gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. La nuit prochaine, il fera moins froid avec les nuages et des minima de 7 à 9 degrés. Demain, les nuages seront plus nombreux. On n'exclut pas localement de la Campine aux Hautes-Fagnes. Quelques faibles bruines. Le temps sera sec ailleurs et les températures comprises entre 10 et 14 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. La cour d'assises de Mons vient de trancher. À la question principale de culpabilité, non. Vu les articles, taisez-vous s'il vous plaît. Bernard Westphal est donc acquitté. Le doute raisonnable profite à l'accusé. L'ancien député est tombé dans les bras de sa fille en sortant de la cour de justice. Cet acquittement, c'est aussi le travail d'un avocat pénaliste de renom, Jean-Philippe Mayence, qui a démonté toutes les failles de l'enquête. Portrait du pénaliste dans ce journal. Demain, pas mal d'entreprises en grève, des soucis à prévoir dans les transports en commun, surtout les techs, des manifestations aussi chez ING à Bruxelles, à Gosselies et à Wavre, la ville du Premier ministre. Peter de Crème ne pourra pas terminer sa formation à Harvard. Le Premier ministre le somme de rentrer au bercail, cumuler le job de secrétaire d'État au commerce extérieur avec un cursus universitaire aux États-Unis n'est pas possible, dit le Premier ministre. L'arbitrage vidéo en foot, on y est, ça commencera dès les playoffs de janvier. Les entraîneurs ne sont pas tous ravis. Vous entendrez l'entraîneur de Courtrai à la fin de ce journal. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Des larmes et beaucoup d'émotions à la cour d'assises il y a quelques minutes. Oui, Bernard Westphal, l'ancien député écolo, est tombé dans les bras de sa fille. Littéralement, les jurés de la cour d'assises ont considéré qu'il n'était pas coupable du meurtre de sa femme Véronique Pirotton. Il a réagi sous les flashs de nombreux photographes avec beaucoup d'émotions. Après 3 ans de souffrance comme ça. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Vous savez pourquoi il n'y a pas de quoi pavoiser? Parce que je suis enfin soulagé, je suis acquitté aujourd'hui. Mais je pense d'abord à Véronique. Je pense d'abord à elle, parce qu'elle n'est plus là. Et ça, c'est dur, hein, malgré mon acquittement. Et puis, je pense à ce petit garçon, ce qu'il doit ressentir. C'est d'abord vers eux que va ma pensée aujourd'hui. Je vais pouvoir continuer à voir ma fille et mon fils. Je pense à ça. Des propos recueillis par Jérémy Gilter. Alors, l'acquittement donc pour Bernard Westphal. La lecture du verdict a suscité pas mal de réactions dans l'Assemblée. Fabrice Gérard, vous y étiez, vous avez entendu les arguments de la cour d'assises. Le doute a réellement profité à l'accusé? Oui, effectivement, sans aucun doute. Hein. En tout cas, Bernard Westphal, on l'a vu hein, en larmes. Il a écouté le verdict prononcé il y a quelques minutes par le président de la cour d'assises. Et il est donc acquitté, hein, vous l'avez dit, du meurtre de son épouse Véronique Pirotton. Un acquittement, effectivement, au bénéfice du doute. Pourquoi? Eh bien, parce que ce doute, il doit toujours profiter. C'est le droit à l'accusé. Alors, la cour, elle a relevé, malgré tout, une série d'éléments troublants. Par exemple, la position du corps, la présence d'un sac plastique, les 35 hématomes retrouvés sur le corps de Véronique Pirotton, des témoignages de chambres voisines qui ont entendu du bruit, et puis aussi l'attitude de Bernard Westphal lorsqu'il a annoncé que son épouse était morte, extrêmement calme, trop pour certains, toute une série d'éléments troublants donc, mais dont l'enquête n'a pas permis de vérifier véritablement la pertinence, et donc la thèse de l'étouffement par un tiers, la thèse criminelle du meurtre est écartée. Et puis il y a surtout, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus essentiel dans la motivation des jurys, ce que les experts ont dit pendant ce procès, tous, absolument tous, n'ont pas écarté la possibilité d'une overdose alcool-médicament. L'intoxication alcoolo-médicamenteuse reste donc une cause possible du décès de Véronique Pirotton. Alors, vous imaginez évidemment, et vous avez pu l'entendre hein, dans ce que vous avez diffusé de l'interview de Bernard Westphal, l'émotion hein, à la fois de l'ancien député wallon, mais aussi du clan de Bernard Westphal. Alors, il est sorti, Bernard Westphal, il a étreint sa fille, il était extrêmement ému, mais après 3 semaines de procès absolument hors norme, Manu, c'est donc libre que Bernard Westphal vient de quitter la cour d'assises de Mons. Merci beaucoup Fabrice Gérard avec les moyens techniques de Vincent Brichet. Derrière cet acquittement, il y a aussi le travail d'un homme, un avocat. Il n'a pas ménagé sa peine pour démontrer l'innocence de son client. Jean-Philippe Mayence, l'avocat Carolo, est de tous les grands procès ces dernières années. Il est brillant. Il le sait, Simon Bourgeois, le public aussi. Oui, on a vu cette longue file hier devant la cour d'assises de Mons. L'importance du procès, évidemment, mais surtout la tête d'affiche, Maître Mayence. Des dizaines de personnes étaient là pour s'appeler l'oreille. Grand, grand ténor. Pour défendre une assise, il est terrible. Il est très intelligent, il est... Je ne saurais pas vous dire plus. Il est juste brillant. Il coûte très cher, bien sûr, mais c'est un as. Jean-Philippe Mayence, c'est ce genre d'avocat qui fait un procès. Il faut dire qu'il a de qui tenir. Son père était déjà un redoutable plaideur, pénaliste lui aussi. Jean-Philippe Mayence a défendu des accusés dans plusieurs gros procès. Le paracommando Olivier Pirson, suspecté d'avoir noyé ses deux enfants dans la Meuse. Acquittement. Le policier Georges Zico, soupçonné d'avoir eu des liens avec Marc Dutroux. Acquittement. Léopold Storm, par contre, lui prendra 26 ans de prison pour le meurtre de son père, sa mère et sa sœur dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Pas que des victoires donc, mais chaque fois des procès médiatique retentissant. Il faut dire que Jean-Philippe Mayence aime aussi les caméras. Il aime être sous les feux des projecteurs. Si ouais, d'ailleurs, il travaille souvent seul. Il veut être le meilleur et n'aime pas partager la gloire. Ses détracteurs le lui reprochent d'ailleurs. 55 ans, Carolo, il roule en Porsche et ne s'en cache pas. Il aime les bons restos, les bons vins, le golf et le tennis. C'est aussi un bourreau de travail. Il dort peu, passe ses nuits sur ses dossiers et manifestement ça paye. Une nouvelle victoire judiciaire pour Jean-Philippe Mayence cet après-midi au procès Westphal. Merci Simon. Une résidence-service sous-cellée à Gosselies. Les conditions d'hygiène sont en cause. Les 46 résidentes de la résidence Massimo ont été déplacées. Le bâtiment donc est sous-cellé. Les conditions d'hygiène étaient apparemment déplorables. Seuls deux infirmiers s'occupaient des personnes âgées. L'affaire est à l'instruction. Le gestionnaire du home est entendu par les magistrats. Les personnes âgées sont prises en charge par le CPAS de Charleroi. Journée sans doute un peu compliquée demain pour les navetteurs. Oui, à l'origine, le 7 octobre, c'était la date de naissance du gouvernement Michel en 2014 et ça devait être un jour de grève nationale. Alors la grève a été levée, mais dans pas mal d'endroits, des préavis ont été déposés. Exemple au TEC, il y a des soucis à prévoir dans les bus. A priori, les trains devraient rouler normalement. Métro, tram, bus à Bruxelles aussi. S'il y a des perturbations, ce sera faible. Il risque d'y avoir des soucis également dans les écoles et les administrations. Certains profs pourraient ne pas aller travailler. En tout cas, ils sont couverts par leurs avocats. Même chose dans les administrations, il y aura des perturbations. Si vous devez par exemple passer à la commune, mieux vaut vous renseigner avant. On annonce aussi plusieurs manifestations, la principale à Wavre, la ville du Premier ministre Charles Michel. Les syndicats organisent un rassemblement à 11h du matin. Ils espèrent réunir 5000 personnes. Deux autres manifestations prévues à Bruxelles. Les travailleurs d'ING se réuniront vers 9h. Protestation aussi à Caterpillar. Les travailleurs se réunissent devant leur usine dès 6h du matin. La formation universitaire s'arrête là pour Peter de Crème. Ouais, l'affaire a fait grand bruit. Hein. On l'a appris il y a quelques jours. Le secrétaire d'État au commerce extérieur est en ce moment à Harvard. Il suit une formation de 6 semaines, un cursus assez coûteux d'ailleurs, 80 000 euros tout de même. Eh bien, son patron, le Premier ministre, n'est pas d'accord avec cette formation pendant le service. Il le rappelle à son secrétaire d'État. Le CDNG Peter de Crème reviendra au bercail. J'ai été effectivement informé que le secrétaire d'État Peter de Crème serait régulièrement aux États-Unis pendant quelques semaines dans le cadre d'un cursus en lien avec ses compétences. J'ai également compris qu'il avait adressé une lettre il y a 2 jours seulement au Parlement pour indiquer qu'il serait absent jusqu'au 27 octobre. Je pense que ça ne va pas et c'est la raison pour laquelle j'ai pris immédiatement contact avec lui quand j'étais informé de cette donnée afin de lui demander de rentrer. Et il sera présent, notamment avant la rentrée parlementaire. Je ne manquerai pas de rappeler à l'ensemble des membres du gouvernement leur devoir de disponibilité par rapport au Parlement. Je pense que les règles sont claires et si elles ne l'étaient pas, bien entendu, nous sommes disponibles dans le cadre de la conférence des présidents pour discuter avec le Parlement et tirer les conséquences de cette situation que je veux bien sûr regretter avec l'ensemble du Parlement. Charles Michel avec Pierre Magos en séance plénière. Charles Michel qui semble découvrir donc l'absence de son secrétaire d'État. Au volant, pas de téléphone. C'est le slogan d'une nouvelle campagne que vous verrez fleurir sur les routes wallonnes, parce que les jeunes wallons utilisent trop souvent leur GSM au volant pour téléphoner, écrire un message, faire un selfie et même parfois chasser les Pokémon. Un jeune sur 10 utilise régulièrement son GSM en conduisant. Si vous roulez à 90 km/h et que vous regardez votre écran pendant une seconde, eh bien c'est comme si vous rouliez 25 mètres à l'aveugle. Pas brillant non plus notre comportement sur Internet. 2 Belges sur 3 aident carrément les cybercriminels par leur comportement à risque. Le Centre pour la cybersécurité belge lance une campagne de sensibilisation. Installer un antivirus, choisir un mot de passe complexe, ça doit devenir un réflexe. C'est exactement comme fermer sa porte à clé quand on quitte son domicile. Ça se passe sur un site internet, vous pouvez apprendre comment on fait. Le site internet, c'est safeonweb.be, Odile Lehert. C'est un site internet très convivial et facile d'utilisation. Vous avez le choix entre un bouton au secours, qui vous donnera des premiers conseils si vous vous êtes fait pirater ou envahir par un virus. Deuxième possibilité, testez votre sécurité. Vous pouvez notamment y tester votre crédulité. Savez-vous reconnaître un vrai mail d'un faux mail? Vous serez souvent étonné. Le site, au fur et à mesure, vous montre ce qui aurait dû vous alerter. Vous y trouverez aussi des conseils sur comment mieux vous cybersécuriser. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez non seulement à voir vos coordonnées divulguées, mais aussi à être complice de cybercriminalité. Miguel De Brocker est le directeur du Centre de cybersécurité belge. Risquez par exemple qu'un cybercriminel installe un virus sur votre système, qu'à ce moment-là, il a accès à vos informations et qu'il peut utiliser votre ordinateur, par exemple, pour attaquer des autres systèmes. Alors, on vous rappelle quelques conseils de base, mais trop souvent ignorés. On ne clique pas sur un lien ni sur une pièce jointe d'un mail sur lequel on a le moindre doute. Et on choisit un mot de passe de minimum 9 caractères, avec des chiffres, des lettres et des symboles. Si possible, choisissez même une phrase, vous serez au top. Campagne que vous pouvez donc suivre sur internet, justement, safeonweb.be. La ménopause, c'est une période difficile pour les femmes. C'est un sujet souvent tabou aussi. À Mons, l'hôpital Ambroise Paré a décidé d'ouvrir un centre spécialisé de la ménopause. L'idée, c'est de permettre une prise en charge globale des patientes. Reportage, Vinciane Vautron. Comment allez-vous ? Ça va. Maggie Dubois a la cinquantaine. Elle est ménopausée depuis un an, une période difficile à vivre. C'est pas tous les jours facile. On sent un peu moche. On a des bouffées de chaleur. On est plus réglé. On est un peu déprimé. On a parfois pas envie d'avoir des relations normal. L'hôpital Ambroise Paré ouvre un centre pour offrir une prise en charge globale à ses patientes. Elles doivent souvent subir de nombreux examens. Catherine Scoré, gynécologue. On a la consultation de gynécologie, on fera une prise de sang bien complète et nous avons aussi une sexologue, une psychologue, une diététicienne. On prescrit évidemment aussi les examens classiques, ostéodensitométrie, mammographie, échographie. Cela nous permet de faire vraiment un bilan complet. Nous voici dans le couloir qui mène à la clinique de la ménopause. Un espace cocoon où l'intimité s'installe dès la salle d'attente. Les femmes sont ensuite accompagnées par les membres d'une équipe qui les suit tout au long de leur parcours. Ginette Krupa est infirmière coordinatrice en sénologie. On les suit comme ça tout au long, mais tout en les écoutant pour pouvoir répondre aux demandes. Et bien souvent, on a des échanges entre patients et on récupère donc les informations pour mieux les aider par après. Un encadrement personnalisé qui rassure les patientes à un tournant de leur vie. L'ouragan Matthew qui arrive sur la Floride avec déjà beaucoup de dégâts sur son passage. Oui, il a provoqué la mort de plus de 60 personnes en Haïti, des personnes victimes de chutes d'arbres, de débris volants et d'inondations. 4 personnes ont aussi trouvé la mort en République dominicaine. Matthew doit maintenant balayer la Floride. Le nouveau secrétaire général de l'ONU est connu. Sans surprise, il s'agit d'Antonio Guterres. C'est l'ancien premier ministre portugais. Il a reçu le soutien unanime des 15 membres du Conseil de sécurité. Après les drones, assistant entraîneur, voici la vidéo assistant arbitre. Ça fait des années qu'on en parle, et bien ça y est, hein, l'Union Belge et la Ligue Pro sont parvenus à un accord hier. Il y aura bientôt de l'arbitrage vidéo en Belgique. La vidéo référée n'interviendra que dans certains cas. un but ou un pénalty litigieux, une faute exigeant une carte ou un doute sur le joueur à sanctionner. Premier test cette saison déjà, en play-off 2. L'entraîneur de Courtrai, Karim Bellocine, est mitigé. Je pense que ça va diminuer la marge d'erreur et aider les arbitres à prendre les bonnes décisions sur certaines phases importantes. Je pense que c'est des discussions qui vont vraiment arriver maintenant, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et je pense que pas mal d'entraîneurs auront des discussions ou des réunions avec leurs joueurs pour leur expliquer justement que dans le rectangle, ben justement ces fameux tirages de maillot, bien prévenir tout le monde. Mais bon, je dois quand même dire que je suis quand même un amoureux du football tel qu'il est. Et tout ce qui est haute technologie, choses qui veulent, toutes les machines qui veulent remplacer l'homme, je suis pas un grand fan, que ce soit dans le football ou ailleurs d'ailleurs. Karim Bellocine, l'entraîneur de Courtrai, à propos de l'arbitrage par vidéo avec Michael Menten. Enfin, je vous rappelle l'information de ce journal, l'acquittement de Bernard Westphal. L'ancien député comparaissait pour le meurtre de son épouse, Véronique Piroton, les faits qui remontent au 31 octobre 2013 et qui avait eu lieu à Ostende. Alors cet acquittement va donner lieu à une émission dans la foulée du journal télévisé de 19h30, émission spéciale, devoir d'enquête exclusif ce soir à 20h20 avec l'interview de Bernard Westphal, interview réalisée par Sylvie Chevalier et Sophie Gillet au cours de l'été dernier. Le magazine judiciaire présenté par Malika Attar s'était engagé à ne diffuser cette interview qu'à l'issue du procès. C'est donc à voir après le journal télévisé à 20h20 sur la Une. Et ben le rendez-vous est noté. Merci beaucoup Manu pour ce journal. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30. Là, il est 17h16. Ben, on va voir ce qui se passe sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info et on va faire ça avec Catherine Gendrin. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Comment ça roule? Alors. Très bien, et vous ? Ça va très bien, mais sur les routes. Sur les routes, alors, il y a toujours des ralentissements sur le 429 Tournai-Lille, à l'approche du poste frontière sur 5 km, où vous perdez une trentaine de minutes vers la France. Des travaux vous ralentissent sur le 25 Bastogne-Liège entre Beaufailly et Tilfe. On observe 4 km de file. Comptez 10 minutes supplémentaires en direction de Liège. Un accident sur le 25 Bastogne-Liège au kilomètre 64 à hauteur de Oufalise. Le passage est difficile en direction de Liège. Notre motard d'Europe Assistance nous signale également des ralentissements sur le ring de Bruxelles. Vous perdez une quinzaine de minutes en circulation intérieure de Zaventem au carrefour Léonard et 15 minutes de Grand Billard à Zaventem. Dans l'autre sens, 20 minutes perdues de Zaventem à Grand Billard et maximum 15 minutes sur les autres tronçons. Enfin, dans Bruxelles, ça coince toujours du tunnel Arlois au tunnel Léopold II vers la Basilique et du tunnel Rogier au tunnel Arlois vers le Midi. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Le micro ne fonctionnait pas, c'est compliqué pour faire de la radio. Bonjour tout le monde. L'émission avec vous jusqu'à 19h. C'est vous qui la faites, c'est votre émission tous les soirs. Et la preuve, on va la démarrer avec François qui est au téléphone. Bonsoir François. Jérôme, vous êtes là ? Oui, bonjour. Ah, si j'appelle François et que vous appelez Jérôme, ça ne peut pas fonctionner. Forcément, vous ne répondrez pas. Je peux passer toute la soirée à vous appeler. Jérôme, la journée a été bonne ? Oui, ça va. Vous avez fait quoi ? Vous avez bossé ? Oui, je suis sur le retour. Sur le retour, vous avez passé une bonne journée au travail. Alors, vous faites quoi dans la vie ? Je suis contremaître dans une boîte de rénovation de façade. D'accord. Et alors, ce soir, si vous êtes là, c'est parce qu'on va parler sortie dans un instant avec vous. Restez bien là, Jérôme. Je vous donne le sommaire de l'émission, le programme du jour. Vous savez que la Belgique va plus frapper sa monnaie. Vous étiez au courant de ça ? C'est sorti aujourd'hui ? Non. Là-bas, on en parle dans un instant sur Vivacité. Il y a un scandale culinaire. Vous aimez la paella, Jérôme ? Ouais, j'aime beaucoup manger. Il y a Jamie Oliver, vous savez, c'est le chef britannique. Ouais. On parle beaucoup de lui. C'est une star de la cuisine. Il a déclenché un réel paella gate parce qu'il a mis du chorizo dans la paella. Et là, les Espagnols lui ont dit « Ouh, mon grand, tu fais une erreur ». Paella gate, carrément, qui a été lancé aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure avec un spécialiste de la paella. On parlera de Junior aussi. Junior, il a fait le buzz sur Internet, mais c'est pas lui qui a voulu le faire. C'est-à-dire qu'il a 9 semaines, Junior. Il est un peu petit. Sa maman a mis une vidéo de lui sur Internet. Et à 9 semaines, vous savez quelle est sa particularité à Junior ? Non. eh ben, il a des cheveux d'adulte. À 9 semaines, il a une vraie touffe sur la tête. On verra tout à l'heure si c'est un montage, si c'est une blague, s'il faut s'inquiéter ou pas. C'est le programme du 5 à 7. On ira aux États-Unis aussi tout à l'heure pour parler de la course à la Maison Blanche. On y retrouvera Catherine Tonero. Mais donc, Jérôme, si vous êtes là, c'est parce qu'on a appris la nouvelle. Tristesse tout à l'heure. On a appris que le Palladium à Béziti n'ouvrira plus jamais ses portes. Alors c'était une vieille ferme, il y avait déjà des plantes qui avaient pris le pouvoir à l'intérieur de la boîte, elle était abandonnée depuis un petit temps, mais le bâtiment va être détruit. Vous étiez déjà sorti il y a quelques années au Palladium, Jérôme? Non, j'ai jamais vu cette chose-là. Ah ben, Cette chose-là. C'était les compiles, mais pas sortir. Ben, vous connaissez déjà par les compiles. Alors, c'était le temple de la fête quand même là-bas, et donc c'est terminé. On parle de souvenirs de soirée, c'est quoi vos souvenirs, vous, Jérôme? C'était plus du côté de Marche, alors on allait au Métropolis, on faisait Liège, Marche. Ouais. Donc voilà, parce qu'il y avait un DJ bien connu, qui tourne toujours, qui était DJ Arnaud, qui faisait des sets et des shows assez particuliers. Et vous vous souvenez de tout ou il y a des moments de soirée que vous avez oubliés? Ça, on n'en parle pas. Ça. Ok, ça va, ça donne la réponse. Donc vous, c'était plutôt Métropolis, d'accord, c'est noté. Jérôme, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, alors vous restez avec nous jusqu'à 19h. Oui, sans souci. Eh ben, bon après-midi, bonne soirée et à tout à l'heure, Jérôme. 3063, quels sont vos souvenirs de soirée? On partage ça ensemble. C'est 50 centimes le SMS ou sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Les inratables de Linebacker. On peut rater la connexion de sa nouvelle TV, mais pas les actions promo chez Linebacker. Embellissez avantageusement votre maison avec le canapé d'angle Aberdeen à seulement 399€ au lieu de 699. C'est chez Linebacker. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10€ au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Trends Tendance et l'avenir.net. Salut, c'est Kevin Miralas sur Vivacité, la radio diablement complice. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, ils ont corrompu le code pour sortir du film. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Otigny, portes ouvertes ces samedis et dimanches de 14 à 17h, dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle, à Otigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Citroën Drogen Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Wow. parler sous-sous ce soir dans l'émission. La Belgique ne frappera plus elle-même sa monnaie, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans la presse. Alors déjà, on apprend qu'on frappait notre monnaie encore, même si c'était l'euro. Philippe Ledan est économiste et chargé de cours à l'UCL et l'Université de Namur. Et il est l'invité du 5 à 7 ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Alors Philippe qui vient de raccrocher, donc on va essayer de le rappeler. On va essayer de voir avec Philippe dans un instant pourquoi la monnaie ne sera plus frappée en Belgique. Il y a forcément un syndicat qui n'est pas content puisque 25 emplois vont être perdus. Y a-t-il une vraie raison au fait de, de ne plus frapper la monnaie en Belgique? Philippe, est-ce que vous êtes de retour? Oui, je suis de retour, oui. Voilà. Philippe, quelle est la raison qui fait qu'on arrête de frapper la monnaie en Belgique? Donc on parle bien de l'euro et oui. Que ce sera fait ailleurs. Déjà, ce sera fait où et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, il faut bien préciser que ici on parle des pièces, parce que donc c'est une partie de la monnaie qui est émise, ouais. Et qui effectivement était encore frappée. Donc ces pièces étaient frappées en Belgique. Et donc on est bien en train de parler de cette partie-là de la masse monétaire. Et c'est vrai que quelque part on peut se dire, finalement, est-ce que c'est encore bien normal que, alors qu'on a une monnaie unique? Hey, c'est bizarre qu'on a vraiment un problème de standard. On va essayer de rappeler Philippe. C'est effectivement bizarre pour une monnaie européenne de dire que chaque pays frappe sa monnaie, même si on sait qu'il y a une spécificité à chaque pays, puisque les faces ne sont pas les mêmes. Vous avez probablement des pièces de plusieurs pays dans vos poches. Troisième essai avec Philippe. Philippe, est-ce que vous êtes là? Oui. Je pense qu'on a un problème de standard. On va voir. Je le crains. Si ça recoupe dans les 30 secondes qui viennent, c'est que notre standard est en panne. Voilà. Donc, on en était à, c'est bizarre, effectivement. Que chaque pays frappe sa monnaie. On a une monnaie unique et pourtant chaque pays frappe encore ses pièces. C'est plus de l'ordre du symbole, c'est parce que chaque pays l'a historiquement fait et probablement qu'il n'avait pas envie d'abandonner cette tradition. On va continuer à avoir chacun sa propre monnaie. Hein. Si vous regardez une pièce de 2 euros, il y en a une pour chaque pays. Ouais. Ici, techniquement, ils choisissent d'arrêter de le faire à la monnaie royale de Belgique, hein, donc de sous-traiter. Mm-hmm. Mais voilà, donc fondamentalement, rien ne change et probablement qu'un jour, on aura soit même des pièces communes à tous les pays, on arrêtera d'avoir chacun sa propre pièce. Et peut-être même qu'un jour, on n'aura plus de pièces du tout, hein, et que toute cette monnaie sera électronique. Ici, rien ne change, mais il y a 25 emplois qui vont être perdus. C'est ce qu'on apprend dans l'actu aujourd'hui, au niveau de la monnaie royale de Belgique. Oui. Si c'est pour aller juste produire ailleurs, finalement, on pourrait les garder chez nous, cette production? Ou alors c'est tous les pays qui vont être regroupés à un endroit? Alors c'est probablement l'évolution qui arrivera avec le temps. Ce n'est pas que tout est centralisé, mm-hmm. mais effectivement, comme frapper des pièces, c'est une activité où il y en a de moins en moins, parce qu'on utilise de moins en moins la monnaie sous forme de pièces et de billets, à un moment on arrive un peu en dessous du seuil critique, et donc d'où l'idée de finalement qu'il y ait des firmes spécialisées qui font ça et d'autres choses, ou qu'ils le font pour plusieurs pays, auquel cas on conserve quelque part une masse suffisante de monnaie à imprimer. D'accord, merci pour vos explications. On suivra dans les années à venir l'évolution de notre monnaie. Merci Philippe, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Il est 17h27, une toute petite pause dans ce 5 à 7, et puis dans un instant, on parlera de sport avec un phénomène dont on parle beaucoup en ce moment dans tous les boulots, le burn-out. Et il existe aussi chez les sportifs. Françoise Eleski sera avec nous dans un instant. Et puis avant 18h, on revient sur le Paella Gate. Le chef britannique Jamie Oliver a déclenché une vraie révolte du côté des Espagnols fans de la Paella. Pourquoi? Je vous dis tout dans quelques minutes. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Mais oui! Venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement. Soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Philips existe depuis 125 ans et chez Light Gallery, ça se fête. À cette occasion, Light Gallery vous offre une remise de 25% sur tous les luminaires et sur toutes les ampoules Philips. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogenboss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. Je vois dans ta vie du succès, de l'argent ou une maison avec piscine. Mouais, je crois que je vais plutôt confier mon avenir à l'EFP. Tu plonges dans la vraie vie tout en apprenant un vrai métier. Inscription dans plus de 70 formations jusqu'à fin octobre. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. EFP, formateur de talent. EFP-BXL.be. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle de fermeté. C'est la préoccupation numéro un des femmes. Et y a-t-il une solution numéro un? Oui, la gamme Resveratrol Lift, des soins anti-âge au resveratrol de vigne breveté par Caudalie et Harvard. Ils raffermissent la structure du visage et augmentent la production naturelle d'acide hyaluronique qui lui repulpe la peau. Ah, j'ai envie de l'essayer. Dans cette gamme, essayez surtout la toute nouvelle crème cachemire. Resveratrol Lift de Caudalie, le premier lifting naturel et efficace. En ce moment, pour l'achat d'un produit Resveratrol Lift, un mois de soins anti-rides nuit offert dans la limite des stocks disponibles en pharmacie et parapharmacie. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Ça fait drôle, hein? Ouais. Je veux dire, c'est la première fois que tu viens chez moi. Ouais, ouais, je suis curieuse. Allez, vas-y, rentre. Donc ça, c'est mon salon, ouais. Et là, c'est le nouveau fauteuil que je viens d'acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est très... Bon, je te sers quelque chose à boire? Oui. Voilà, on va faire ça. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. Vivacité présente... Dis Marco, tu comptes sérieusement acheter ces fraises au mois d'octobre? Ben oui. Mais juste là, t'as des pommes, des poires, des scoubidoubidou bien locales et de saison. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Et l'actu du jour, c'est évidemment l'acquittement de Bernard Westphal. Le doute a profité à l'accusé. Bernard Westphal est innocent. Le jury de la cour d'assises a tranché. L'accusé est tombé dans les bras de ses avocats, puis de sa fille Safia, sur le banc des parties civiles. Nadine Pireton, la sœur de la victime, n'a pas pu retenir ses larmes. Pour le jury, même s'il y a des éléments troublants, l'enquête et les événements développés lors des débats ne permettent pas d'établir la culpabilité de l'ancien député. Les tentatives de réanimation peuvent expliquer les traces relevées sur le corps de la victime et l'intoxication par les médicaments et l'alcool n'est pas exclue. Bernard Westphal quitte donc les assises libres comme il y était arrivé il y a 3 semaines. Notez que Bernard Westphal avait répondu aux questions de Sylvie Chevalier et Sophie Gillet cet été, une interview que le magazine s'était engagé à ne pas diffuser avant le procès. Elle sera donc à voir ce soir à 20h20, émission spéciale Devoir d'enquête. Dans l'actu aussi, les perturbations à prévoir demain, notamment dans les bus, pas mal d'actions de grève aussi dans les entreprises, principalement touchées les métallos, le textile, les services publics. Les trains, normalement, devraient rouler. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Merci Manu. Il est 17h32, on va jeter un petit coup d'œil à la météo. On m'a volé ma météo. Vous savez où est ma météo? Ah. On va rallumer votre micro. Je ne peux pas beaucoup vous aider. Pas. Il fait frais, m'ont dit tous ceux qui étaient sortis aujourd'hui. Mais moi, j'ai pas mis le nez dehors. Eh ben merci. Voilà, il fait frais. Et puis, annoncez-moi du beau temps parce que j'ai une grande marche qui vient ce week-end et je préférerais qu'elle soit sans pluie. Ah, ben oui, c'est vrai, il y a la marche des 100 km. Voilà. Mais petite parenthèse sur les 100 km. Il y a encore besoin de parrainer la marche. Ah oui, bien sûr, on a toujours besoin de votre aide. Les héliotropes, en tout cas, en ont besoin. C'est de l'argent qui va se servir. C'est pas donné comme ça au hasard. Et à partir de 40 euros, il y a déduction fiscale. Donc ça c'est ça important. Ça coûte même pas 23-24 euros quand on verse 40. Donc c'est un beau geste à faire. Donc pour ça, vous allez sur agir.cap48.be et vous pouvez soutenir, non seulement mentalement, mais en plus financièrement, ce grand défi des 100 km. Je vous souhaite déjà bon courage. Merci beaucoup. La météo, ce sera pour tout à l'heure, le temps de la retrouver. On va partir sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. Comment ça roule? On va le savoir avec Catherine Gendrin. Oui, alors il y a toujours des ralentissements sur le 429 Tournai Lille, à l'approche du poste frontière sur 5 km. Vous perdez 15 minutes vers la France. Notre motard d'Europe Assistance nous signale également des ralentissements sur le ring de Bruxelles. Vous perdez une quinzaine de minutes en circulation intérieure de Zaventem au carrefour Léonard et 15 minutes de Grand Bigard à Zaventem. Dans l'autre sens, 20 minutes perdues de Zaventem à Grand Bigard et maximum 15 minutes sur les autres tronçons. Enfin, ralentissement habituel dans la plupart des tunnels de la capitale. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Il est 17h34, dans la suite de ce 5 à 7, on va parler burn-out. Il y a des burn-out, des cas de burn-out chez les sportifs. C'est Françoise Aleski qui viendra nous raconter ça dans quelques minutes. Avant 18h, l'image du jour avec Ophélie Fontana. Et puis retour sur le Paella Gate, c'est Jamie Oliver, le chef britannique, qui a déclenché ça. C'est la folie sur les réseaux sociaux. Il a osé mettre un ingrédient dans la paella, il n'aurait jamais dû le faire, puisque les Espagnols sont fâchés contre lui. On verra ça dans un instant. On parle aussi de la triste nouvelle pour les clubbeurs. Et oui, le Palladium, qui avait déjà fermé ses portes il y a des années, va être détruit. La ferme aux quatre bras, Beziti, ça y est, c'est terminé. La décision a été prise. Il y a un complexe immobilier qui va être mis à la place. Mais c'est plein de souvenirs pour des clubbeurs là, qui disparaissent avec tout ça. 3063 par SMS pour me raconter vos souvenirs de soirée. Alors ça peut être au Palladium et ça peut être ailleurs. On va tout de suite aller du côté de Rick Sansard. Il y a Guy qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Guy. Bonsoir Cyril. Vous sortiez au Palladium justement? Oui, oui, mais ça remonte à plus de 20 ans, là. Ouais, mais ça en dit pas. C'était hier, Guy. C'est quoi vos souvenirs c'était là-bas? Hier, oui. Ben, moi, un de mes souvenirs, c'est en arrivant devant le Palladium, c'est de voir des boutons un peu spéciaux. Là, je trouvais que c'est pour des boutons de porte. Et tout d'un coup, j'ai relevé la tête et je me suis rendu compte que c'était le portier, c'était les boutons de son gilet. Il avait dit, mesurait 2m10. Ah, ça calme, hein? Impressionnant. Oui, ça on se dit dans ces cas-là qu'on va pas faire le malin à l'intérieur. Voilà, exactement. Voilà. Enfin, bon, on se défoulait quand même, on pouvait danser, on pouvait boire, ça valait la peine. Quoi. Mais rassurez-moi, vous avez vu les boutons de son gilet, mais vous avez vu l'intérieur de la boîte aussi, vous avez pu rentrer. Oui, bien sûr. Ah, parfait. Bien sûr, mais on allait danser régulièrement là-bas à l'époque. Eh ben, à l'époque, arrêtez de dire ça, on a l'impression d'être tous vieux. Guy, merci d'être passé ce soir dans l'émission, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Je vous en prie. Au revoir Guy, 3063 par SMS, quel est votre souvenir de soirée au Palladium ou ailleurs, vos meilleurs souvenirs? Vous me racontez ça par SMS, c'est sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. 5 à 7. Une petite pause et on revient dans un instant pour parler de sport. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel. Et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, porte et châssis avec une promesse, la transparence. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé? 9,5 sur 10. Faut te reprendre, hein. Vous êtes très exigeant? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. Nouveau, Comea Casa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Comea Casa. Apportez un peu de chaleur. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais, dommage qu'Abio me le fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abio, fenêtres, portes, véranda. Abio.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abio pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. Abio, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. Abio, fenêtres, portes, véranda. Abio.be. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Vivacité est là de présente l'Etias Trophy, le tournoi Challenger de Mons, le rendez-vous du tennis de haut niveau depuis 12 ans. Du 1er au 9 octobre, c'est au Lotto Mons Expo que les jeunes talents rencontrent des joueurs du top 100. Alors, pour vous aussi, rendez-vous à Mons du 1er au 9 octobre avec le soutien de la Loterie Nationale, la Région Wallonne et la Ville de Mons. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. 5 à 7. On parle de sport tout de suite avec Françoise Aleski. Bonsoir François. Bonsoir Cyril. On va revenir aujourd'hui sur un phénomène qui touche beaucoup de sportifs de haut niveau. On va parler de burn-out. Oui, c'est vrai qu'on en parle assez peu, hein, mais c'est quand même courant dans le monde du sport, des périodes difficiles où rien ne va. Bah, du coup, on va surtout parler des grands professionnels, ceux qui s'investissent dans une carrière sportive à 200%, pas vous et moi donc. Hein, quelques exemples pour vous prouver que le burn-out, il touche les plus grands. Et on peut citer pêle-mêle le tennisman André Agassi, le nageur australien Ian Thorpe, le judoka français David Douillet ou encore un autre nageur bien connu, Michael Phelps. Ce ne sont que des exemples parce qu'on le disait, il y a beaucoup de sportifs qui sont touchés. Derrière la maîtrise physique de ces grands athlètes, il y a certaines fêlures psychiques qui les ont parfois hantés véritablement. Il y a beaucoup de témoignages, d'histoires. Alors vous me direz qu'ils peuvent se faire aider, ces sportifs. Il y a beaucoup de thérapies qui existent, puis c'est pas l'argent qui manque en général pour les noms qu'on vient de citer. Mais il y a des thérapies, effectivement, pour ce genre de fatigue mentale, de période de doute. Mais parfois, ça ne suffit pas, tout simplement. Et il y a un exemple récent, François, c'est le numéro 1 mondial du tennis, Novak Djokovic. Oui, c'est un exemple intéressant parce qu'en surface, c'est vrai que Djokovic, c'est pas le gars qui laisse entrevoir un véritable mal-être. Il est toujours prêt à faire une blague, à sourire. Il était d'ailleurs, il y a quelques semaines, encore au sommet de sa forme. Numéro 1 mondial incontesté. En juin dernier, il a d'ailleurs remporté le tout dernier grand chelem qui lui manquait, c'était Roland Garros. On se disait que ce sacre aurait dû décupler sa motivation, mais ça a eu en fait l'effet inverse. Le Serbe s'est fait éliminer au 3e tour à Wimbledon, jusque-là c'est pas trop grave, mais depuis il dit qu'il ne se sent pas bien émotionnellement, ni à l'entraînement, ni pendant les matchs. Il dit même avoir perdu le plaisir de jouer. Il ne veut plus ni réfléchir, ni parler de sa place de numéro 1, c'est qu'il va vraiment pas bien, Novak Djokovic, et il explique que ce burn-out, ça passe par une pression trop importante sur ses épaules. Ah bah toujours en tennis, si je me trompe pas, il y a David Goffin aussi qui a eu un petit coup de mou il y a pas très longtemps. Oui c'est vrai, on en a d'ailleurs parlé, heureusement ça va déjà beaucoup mieux pour le tennisman belge, mais lui aussi, c'est vrai, il a vécu un espèce de mini burn-out. Maladie, on va dire, est arrivée pendant les Jeux Olympiques cet été. C'est là qu'elle s'est manifestée. Notre numéro 1 belge qui s'était fait éliminer en 8e de finale par le Brésilien Bellucci. Et on savait que ce joueur était à sa portée. Donc la catastrophe, c'est un peu plus tard qu'on l'a constaté en ce qui le concerne à l'US Open. Quelques semaines plus tard, donc, David Goffin avait été éliminé dès le premier tour par un jeune Américain de 19 ans. Ça peut arriver, mais ça fait quand même tâche pour un joueur qui est 14e mondial et qui est en progression constante depuis plusieurs années. Cela dit, David Goffin, il est déjà en train de rebondir et il prouve qu'on peut assez vite se sortir de ce genre de situation. Il a repris du poil de la bête, on l'a constaté en Coupe Davis, et il confirme puisqu'il s'est qualifié cette semaine pour les quarts de finale au tournoi de Tokyo. Mais on l'a quand même vu aussi casser sa raquette là, oui, dans ce tournoi japonais. C'est donc un peu tendu. Un signe qu'il est un peu tendu, je pense. Ouais. Ça ne me semble pas. En tout cas, il y a des bons signes. On voit qu'on peut s'en sortir, en tout cas évoluer assez rapidement. Par contre, il y a des sportifs qui, eux, craquent complètement. Oui, là, on a un autre exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Tyson Fury. Non. Ben, c'est un boxeur et c'est le genre de mec, c'est mieux quand c'est ton pote, en fait. Parce que lui, s'il te met une claque sur le front, tu saignes du nez et tu tournes pendant des heures. Il ne s'appelle pas Fury pour rien. Quoi. Non, exactement. Il ne s'appelle pas Fury pour rien. En plus, il a un cousin qui avait été champion du monde avant lui. Et donc, Tyson Fury, c'est le champion du monde en titre des poids lourds. Il est britannique et il y a presque un an, il avait réussi un véritable exploit puisqu'il avait battu au point Vladimir Klitschko qui était quand même invaincu depuis 11 ans. Et 11 ans invaincu, c'est pas rien sur un ring de boxe. Et du coup, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce grand gaillard ? Ouais, grand gaillard, vous avez raison, il fait 2m6 le mec. Ah oui. et il souffre d'une dépression. Le boxeur, il en a marre de la vie, mais ça va loin hein, parce qu'il a dit « Je ne sais même pas si je vais passer l'année. J'espère juste que quelqu'un me tue avant que je ne me tue moi-même. » Donc effectivement, ce sont des paroles qui font un petit peu peur. Il a été diagnostiqué maniaco-dépressif, c'est lui qui le dit. Son surnom, c'est le Gypsy King et il n'a plus mis les pieds sur un ring depuis des mois maintenant. Il dit d'ailleurs qu'il s'est réfugié dans la cocaïne pour oublier. « J'ai consommé beaucoup de cocaïne, je boit du lundi au vendredi. C'est pas tout parce qu'il ajoute qu'il boit aussi du vendredi au dimanche. Du coup, Tyson Fury, il prolonge peut-être involontairement sa période de règne puisqu'il devait remettre son titre en jeu contre Klitschko le 29 octobre prochain. Il a donc dû annuler et il sera sans doute suspendu bientôt puisqu'il a sans surprise été contrôlé positif à cette drogue. Comme quoi, Cyril, la réussite, l'argent, la gloire, tout cela, on ne l'a pas. Mais on est en bonne santé, on va bien moralement. C'est ça. Et puis on lui souhaite à Tyson Fury d'aller mieux quand même. Oui. Bon rétablissement à lui. Surtout si un jour il se pose devant vous, souhaitez-lui tout ce qu'il y a de plus beau. Pour éviter tout souci. À propos de boire. Tant que vous êtes là, François. Enfin, le lien est bizarre. Ça sent le raccourci, ouais. On parle de la fermeture définitive. Là, ça y est, la boîte, le Palladium était déjà fermé, mais maintenant le bâtiment va être détruit. Vous avez des souvenirs de soirées, vous, là-bas ou ailleurs? Ouais, Palladium, d'abord, ça me rappelle des chaussures, avant de me rappeler une boîte de nuit. C'est vrai aussi, ouais. Et je les avais peut-être, parce qu'à l'époque, on était moins regardants sur les chaussures. Mais oui, je suis allé là-bas, je me souviens de la passerelle un peu mezzanine, comme ça, c'était super novateur. On n'avait pas l'habitude de voir des boîtes sur 2-3 étages, du moins pas à l'âge que j'avais, puisque c'était il y a 20 ans. Et je me souviens effectivement de bons souvenirs. Et il y a même une musique qui trotte dans ma tête quand on parle de Palladium, c'était le DJ Zach. Encore une fois, vous vous souvenez de cette chanson? Vous voulez qu'on la cherche et qu'on vous la mette tout à l'heure? Ah, je veux bien, si on a ça quelque part. On la retrouve après le journal des sports, c'est cadeau, c'est pour vous, on vous mettra encore une fois. Merci. À tout à l'heure, François. Il est 17h44. 5 à 7. Tout à l'heure, donc, de la musique que François nous demande, mais avant ça, de la musique un petit peu espagnole, puisqu'on parle de paella, et pas n'importe laquelle. La paella de Jamie Oliver, vous savez, ce chef britannique, il a déclenché un réel paella gate. On en parle ce soir avec Manu, qui est spécialiste de la paella, amateur de paella. Bonsoir, Manuel. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur UACité. Alors, vous avez vu le Paella Gate. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec la paella de Jamie Oliver? Qu'est-ce que Jamie Oliver fait dans la paella qui pose problème? La paella, bon, c'est du riz, etc., avec des légumes et tout, mais il a rajouté du chorizo. Et le problème du chorizo, c'est que c'est pas du tout un ingrédient qui se met dans les paellas habituellement. Ouais. Et vu que la paella, c'est un peu l'image de l'Espagne, ils pouvaient pas toucher à ça. Quoi. Voilà. Enfin, parce qu'il y a plusieurs paellas, bien sûr, mais traditionnellement, c'est soit des légumes, quand c'était les régions les plus pauvres en Espagne, etc., soit c'était avec des fruits de mer, des calamars, des scampis, etc. Après, là, ce qu'il a fait, c'est pas une paella, c'est du riz avec du chorizo. Mais c'est pas une paella, en fait. Et comme il a utilisé le nom, ça crée une... C'est ça, il y a un problème par rapport au nom. Ce qui s'est défendu en disant c'est ma recette, j'assume, c'est ma version. Il y a des messages sur les réseaux sociaux, c'est allé très loin. Parce qu'il y a quelqu'un qui a quand même dit enlève le chorizo, nous ne négocions pas avec des terroristes. Et c'est quoi la suite du message? Premier avertissement. Voilà, ça ne rigole pas quand même, c'est un terroriste de la paella. Oui, parce que c'est l'image internationale de l'Espagne. La paella, niveau culinaire, en tout cas, l'Espagne, c'est... Voilà, la paella, il y a aussi le jambon, etc. Mais la paella, c'est une institution. Et c'est vrai qu'en Espagne, tout le monde... même moi, quand je vais en Espagne ou quoi, je suis d'origine espagnole, quand je vais là-bas, ils disent « Oui, tu veux du riz ?» Et moi, j'appelle ça une paella, mais c'est juste du riz. Mais c'est du riz jaune avec des légumes, etc. Mais ça reste une paella. C'est vraiment... c'est comme le couscous au Maroc ou les pâtes en Italie. C'est ça, faut pas toucher à ça, c'est sacré en Espagne. Et donc, la meilleure paella que vous ayez mangée, il y a quoi dedans? Le riz, bien sûr. Ouais. Il y a la meilleure, c'est aux fruits de mer, c'est la traditionnelle. Avec scampi, calamar, des fois il y a des moules, ouvertes bien sûr, l'intérieur de la moule, des palourdes, des légumes, on peut vraiment mettre un peu de tout. Mais pas du chorizo. Mais pas de la viande en tout cas. D'accord. Parce qu'alors c'est du riz avec de la viande. Ok, le message est passé, merci pour cet éclaircissement sur le Paella Gate. Je vous souhaite une bonne soirée, Emmanuel, à bientôt. Merci bien, vraiment. Il est 17h47 pour la suite du 5 à 7. On va retrouver Ophélie Fontana qui sera là. C'est l'image du jour qui arrive avant 18h. On va rire avec le cactus de Jérôme de Warzé. C'était ce matin dans le 8-9, vous l'avez raté. On fait une petite séance de rattrapage. Dans un instant, bougez pas. Plus de 30 000 clients ont déjà fait confiance à Williams pour remplacer leurs châssis, portes et portes de garage. Williams, la vie du bon. Comme eux, ne choisissez pas entre la qualité et le prix. Prenez les deux. Devis gratuit au 02 374 30 06 ou sur châssiswilliams.be. Parce Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée. Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carrouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels à Zaventem et Waterloo. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Les maîtres boulangers se lèvent à l'aube pour vous préparer un petit déjeuner d'une qualité unique chaque jour. Ces passionnés sont mis à l'honneur la semaine prochaine sur Vivacité. Écoutez les matinales et vous remporterez peut-être votre petit déjeuner croustillant durant plusieurs semaines. En collaboration avec la PACW et les maîtres boulangers pâtissiers de votre région. Artistes et maîtres boulangers pâtissiers. La passion est au cœur de nos métiers. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Découvrez Monde Positif, le mouvement citoyen ni de droite ni de gauche qui va vraiment vous donner plus de pouvoir d'achat. Mondepositif.be. Salut, c'est Kevin Miralas sur Vivacité, la radio diablement complice. Vivacité présente. Pardon monsieur, je cherche la gare. Comme ça, c'est tout simple. Vous voyez la rue du commerce équitable? Oui. Bon, vous la suivez et après 100 mètres, vous prenez le boulevard du juste salaire. Ah, des justes salaires, oui. Et ensuite, vous tournez à gauche sur l'avenue du respect de l'agriculteur. Ah ben c'est pas si loin ça finalement, merci. Vous en prie. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. 5 à 7. Il est 17h49, juste avant le cactus de Jérôme de Warzé. Comme tous les jours, on retrouve Ophélie Fontana. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. C'est l'image du jour et aujourd'hui, l'image du jour, ce sont les larmes de Bernard Westphal. Oui, effectivement, l'ex-député qui a fondu en larmes devant la cour d'assises du Hainaut. Ces larmes, elles sont tombées à quel moment? Bien au moment très précis, très attendu par tout le monde, du verdict rendu par le jury de la cour d'assises. Et donc ce jury, composé, je le rappelle, de 12 femmes et hommes, a donc décidé que Bernard Westphal a donc jugé que Bernard Westphal n'était pas coupable du meurtre de son épouse Véronique Piroton. Donc non coupable, ça signifie l'acquittement, la fin du procès, donc des larmes de soulagement en quelque sorte de Bernard Westphal, qui après la lecture du jugement est même tombé dans les bras de ses deux avocats, Maître Bowens et Maître Mayence, et on a deviné, on a pu lire sur ses lèvres qu'il leur disait même « je t'aime ». C'est vrai que entre ces, des liens se sont forcément créés. Ils ont passé 12 jours devant cette cour d'assises du Hainaut, plus toute la préparation du procès, beaucoup d'émotions, un procès très, très tendu avec un sujet extrêmement sensible. Et donc voilà, les larmes de Bernard Westphal, c'est vraiment l'image qu'on retiendra de cette journée. C'est important, Ophélie, de souligner qu'il est acquitté au bénéfice du doute. Voilà, donc c'est un petit peu particulier. Ce sont des principes prévus par la loi. Et donc, ce que le président du tribunal a bien dit avant de prononcer ce jugement, donc c'est voilà, il est acquitté, excusez-moi, malgré des éléments troublant. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas pu prouver la culpabilité de l'accusé parce qu'il y a eu certains indices sur lesquels le jury n'a pas pu se mettre d'accord, n'a pas pu trancher finalement de la vérité de ce qui s'était vraiment passé dans cette chambre d'hôtel et donc de savoir si Bernard Westphal a oui ou non tué son épouse. Et donc c'est ça, la loi le prévoit, quand il y a le doute, eh bien ça bénéficie toujours à l'accusé. Ça, c'est un principe de droit. Donc finalement, il ne faut pas s'étonner de ce jugement parce que depuis le début de l'enquête et pendant toute la durée du procès, sans cesse, il y a eu des éléments contradictoires. Le président de la cour d'assises a lui-même pointé du doigt des dysfonctionnements au niveau de la police, de la manière dont l'enquête a été menée. Et c'est vrai qu'on a eu une bataille aussi d'experts qui avaient tous des versions différentes, une lecture différente de cette affaire. Et donc, le jury a tout simplement ressenti perçu ça, ce doute, il ne pouvait pas affirmer la culpabilité de Bernard Westphal. Et donc, dans ces cas-là, quand le jury ne sait pas et qu'il doute, eh bien, ça profite d'une certaine manière à l'accusé. Et il est, dans ce cas-là, acquitté, considéré comme non coupable. Donc, ce n'est finalement pas si étonnant à la lecture de tout ce qui s'est passé pendant ces 12 jours de procès. Et son avocat, forcément, a eu un grand rôle dans cet acquittement. Voilà, effectivement. Donc, il avait deux avocats, Maître Bowens et Maître Mayence. Jean-Philippe Mayence bien connu, on le voit souvent dans les médias et c'est vrai que c'est lui qui a fortement été mis en lumière dans ce procès. C'est un redoutable plaideur, ça c'est sa réputation, une réputation qu'il a forgée hein, puisqu'il a été de toutes les grandes affaires, donc il était dans le procès Coles, dans le procès Pearson, le procès Abran, le procès Dutroux, donc il a vraiment de gros dossiers derrière lui et il est même considéré par ses pairs et par certains journalistes judiciaires comme vraiment le meilleur plaideur du pays. C'est un carolo d'origine, donc c'est vrai qu'il est, il a un franc-parler, il n'a jamais mâché ses mots et il a également une forte force de persuasion, très impressionnant. Donc hier, il faut quand même rappeler qu'il a plaidé pendant plus de 7 heures, donc il a plaidé pour essayer de prouver au jury de l'innocence de son client. Ouais. En tout cas, on ne peut pas parler tout à fait d'innocence puisqu'il y a ce doute, comme je viens de l'expliquer avant, mais en tout cas, sa force de persuasion aura payé. Il a bien su mettre en avant toutes les failles du dossier, toutes les incohérences et justice a donc été rendue par le jury populaire qui a donc décidé de l'avenir de Bernard Westphal, un avenir qui se passera donc en toute liberté, il ne devra plus repasser par la case prison et lui-même à la sortie de la cour d'assises de Mons a de nouveau pointé du doigt les dysfonctionnements de la justice, n'hésitant pas aussi même à accuser carrément le parquet de Bruges, donc c'est le parquet de Bruges qui avait mené l'enquête il y a quelques années, donc lui-même a vraiment insisté une nouvelle fois sur toutes les failles du dossier, il a eu l'impression qu'on l'avait d'emblée condamné. Eh ben merci Ophélie pour cette image du jour, on reviendra sur cette actualité forcément dans le journal de 18h, et tout à l'heure chez vous aussi dans 15 minutes sur la 2. Tout à fait, à 19h, une grosse page consacrée bien sûr à ce procès. Merci Ophélie, bonne soirée. À demain. Jérôme, le cactus revient sur l'épilogue du procès Westphal et l'imposante plaidoirie de la défense. Mais oui, bonjour, d'Anderlecht, Westphal, le Marlen, à le Mayence. Le procès du siècle touche à sa fin, il est temps. Hier, Maître Mayence a plaidé durant plus de 25 heures. 5 heures pour décomposer 15 minutes et démonter les arguments de l'avocat général et le travail des experts au stand. Donc, alors les experts au stand. Parlons-en. Alors, attention, c'est exactement comme les experts Miami. Deux petites différences. La première, c'est que chez les uns à au stand, l'on perçoit un léger écart de température dans la mer bordant les scènes de crime. Une petite cinquantaine de degrés, léger. Et la seconde, c'est que chez les autres, à Miami donc, si l'affaire paraît insoluble au départ, on la boucle en 52 minutes, pub compris. Alors qu'ici, même quand ça a l'air clair au départ, il faut attendre 3 ans et demi avant de démarrer le procès, 2 semaines pour le ficeler, 6 ans à se rédiger ce qu'on appelle. Dès lors, in fine, stricto sensu, in vino veritas et nuis qui viscas, l'arriéré judiciaire explose évidemment et ça n'est plus tenable pour la magistrature. Il faut imposer un butoir chronométrique lors des procès de ce genre. Voilà, maître. Votre client n'est pas coupable ? Très bien, vous avez 10 minutes. Efficacité ! Rentabilité ! C'est vrai. Si ça continue à ce rythme proche de la production sidérurgique wallonne, on va devoir délocaliser nos procès en Extrême-Orient ou dans les pays de l'Est. Hein. Mais évidemment, Madame Milquet, votre procès, c'est dans 2 jours à Pékin. Voilà. Ne soyez pas en retard. Rire. Et je suppose que vous ne désirez pas de traducteur puisque vous nous parlez chinois depuis 25 ans. Donc, bon. Les affaires qui sommeillent encore dans ce pays se comptent par touffes de cheveux sur la tête de Fellaini. Pour en revenir à Joël Milquet, si cela continue à se traîner comme ça, mais tous ces emplois fictifs vont partir en prépension. Oh. C'est évident. Maintenant, vous l'avez entendu chez Pascal Vrébos. Je n'ai rien fait. Oui, mais c'est justement ce qu'on vous reproche, Madame Milquet. Bon. Stop à l'arriéré judiciaire. Quand on jugera Serge Kubla, si rien ne bouge, la République démocratique du Congo aura encore changé de nom. Mais c'est Serge Kubla, il peut partir maintenant avec une camionnette de biposte. Il aura encore le temps d'arroser tout le sud Kivu et de construire un bungalow pour profiter de sa retraite. Bon, quand Armand de Decker se présentera devant la justice, le Kazakhstan aura disparu. Olivier de Sac aura peut-être marqué un but avec Anderlecht. Jean-Charles Huppert aura peut-être besoin de Viagra. En 2060, attendez. Et s'il y a bien un procès que j'attends, c'est celui de Jean-Charles Huppert. Ah, je veux assister à la reconstitution. Ah, je veux y être. Je me doute qu'on ne sera pas seul et qu'il y aura une queue énorme, mais vraiment... Oh là là, David. Pourquoi cela tombe-t-il toujours sur vous, ce genre de quiproquo? Vous les attirez, mon vieux. Bon. Relançons FISA, la machine judiciaire, et rattrapons notre retard SNCB1. à cette allure-là, Guy Spital, Sandré Coles et Alain Van Der Bist vont mourir. Ça va arriver, moi je préviens. Quand on jugera le curé Van Gelu, les prêtres auront le droit de se marier entre eux et d'adopter des petits adolescents transgenres. Ça n'aura donc plus strictement aucun sens. Et les Turcs du Brabant. Vous savez que les repentis attendent de témoigner depuis des années. Ils ont un numéro à la petite salle des pas perdus, mais pas vraiment retrouvé non plus, du palais de justice de Bruxelles. Le palais de justice de Bruxelles, le seul monument au monde dont les échafaudages sont tellement vieux qu'ils viennent d'être classés par l'UNESCO. Oui, c'est extraordinaire. Les Turcs du Brabant, c'est l'exemple clé. Maître Mayence prépare d'ailleurs une nouvelle plaidoirie, 7 ans, pour tenter de prouver que les 28 victimes se sont suicidées en ingérant trop de produits blancs de l'Aisse. Vous voyez bien. Alors, évidemment, alors c'est de mauvais goût, je m'excuse platement, on ne dit plus produits blancs, on dit 365. Excusez-moi, pardon. Les chicaneurs, vous voyez qu'on est en retard, la justice, il faut que ça tourne comme chez Colreuth. Attention, Yandak, le procès 337 est prêt à la plaidoirie. Emballé, bedingue, merci. Et attendez, il y a pire que les Turcs du Brabant. Delphine Boel, ça fait 48 ans qu'elle attend. Oui, c'est vrai qu'elle attend. C'est bien parce que vous lui dédiez donc la fin. Oui, il fallait... Écoutez, j'espère qu'en échange, elle vous offrira une œuvre d'art. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, j'attends. J'aime le macramé. Petite aquarelle. Voilà. Gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Un petit mot sur la météo de cette nuit. Il fera frais de 7 à 9 degrés demain. Les nuages seront plus nombreux et l'on n'exclut pas localement quelques averses, quelques faibles bruines. Ailleurs, donc ça c'est sur la partie de la Campine au Haut-de-Fagne. Ailleurs, le temps sera sec et les températures entre 10 et 14 degrés. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, ils ont encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthénamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Merci d'écouter Vivacité, il est 18h. 3 ans de souffrance, quel gâchis, commente en larmes Bernard Westphal. La cour d'assises de Mons l'acquitte. Pour les jurés, l'enquête et les éléments apportés lors des débats n'ont pas permis d'établir sa culpabilité. Et un doute raisonnable doit profiter à l'accusé, conclut le jury. Dans l'actualité aussi, cette phrase « ça ne va pas », elle vient de Charles Michel. Le Premier ministre prie Peter de Crème, son secrétaire d'État au commerce extérieur, de faire ses valises. Fini la coûteuse formation aux États-Unis, il rentre au pays, mais son président de parti le défend. La vidéo entre dans l'arbitrage d'un match de foot, mais qu'en pensent les joueurs? La réponse vient de peine, vous l'entendrez dans le journal des sports. Le journal sur Vivacité avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Non coupable, Bernard Westphal est acquitté. Fin de l'affaire. Et à l'annonce du verdict, Bernard Westphal est tombé dans les bras de son avocat, puis dans ceux de sa fille. 3 ans de souffrance comme ça. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Vous savez pourquoi il n'y a pas de quoi pavoiser? Parce que je suis enfin soulagé. Je suis acquitté aujourd'hui. Mais je pense d'abord à Véronique. Je pense d'abord à elle, parce qu'elle n'est plus là. Et ça, c'est dur, hein, malgré mon acquittement. 3 ans de souffrance pour tout le monde, pour les partis civils, pour nous, pour tout le monde. Quel gâchis, vraiment. Et je vais essayer de me reconstruire, dit Bernard Westphal, l'ancien député acquitté libre, député wallon acquitté libre, la cour d'assises de Mons. C'est un acquittement au bénéfice du doute. L'accusé qui n'a cessé de clamer son innocence depuis la découverte du corps dans cette chambre d'hôtel à Ostende en 2013 et durant aussi les 3 semaines de procès. Fabrice Gérard, vous avez suivi le procès Westphal. Bernard Westphal est donc acquitté malgré des éléments troublants. Oui, vous l'avez dit, hein, des éléments troublants, mais un acquittement, et ça, vous l'avez répété à plusieurs reprises, et il faut insister là-dessus, au bénéfice du doute, hein, le doute, Delphine, qui doit toujours, c'est le droit, profiter à l'accusé. C'est l'élément principal, sans conteste, qui explique l'acquittement de Bernard Westphal. Et ce doute, eh bien, on le trouve dans l'impossibilité de déterminer avec certitude la cause de la mort de Véronique Piroton. Alors, on le savait, la bataille des experts allait être cruciale, elle l'a été, et l'événement essentiel de cette bataille, c'est qu'aucun expert, hein, pas un seul, n'a pu écarter la possibilité d'une overdose alcool médicamenteuse dans le chef de Véronique Piroton. Alors c'est vrai, la thèse de l'étouffement, elle a été largement privilégiée par certains, mais sans qu'il ne soit capable d'écarter complètement l'hypothèse d'une mort accidentelle. Restent ces éléments troublants, vous l'avez dit, les nombreux hématomes sur le corps de Véronique Piroton, les fibres d'un oreiller retrouvées sur son visage, ou encore les témoignages, hein, des chambres d'hôtel voisines de celles du couple qui ont entendu une dispute violente. Mais l'enquête n'a sans doute pas été suffisamment rigoureuse, on n'a pas assez vérifié, on a écarté certains éléments. Et puis surtout, on a fait l'impasse sur ce que pouvait provoquer une importante consommation d'alcool combinée à la prise de nombreux médicaments. Bref, une enquête bâclée, hein, c'est pas moi qui le dis, ça c'est vraiment unanime de tous les acteurs de la cour d'assises. Cette enquête bâclée, elle a permis à Bernard Westphal de sortir libre il y a plus d'une heure maintenant de la cour d'assises de Mons. Merci pour vos explications, Fabrice, en direct de la cour d'assises. Les proches de Véronique Piroton ont quitté les lieux par une autre porte, évitant l'entrée principale. Nadine, la sœur de Véronique Piroton, n'a pu retenir ses larmes. Une famille qui ne fait pas de commentaires. Leur avocat, Philippe Moureau, n'en dira pas beaucoup plus. On ne commente pas une décision judiciaire. On ne commente pas une décision judiciaire. Et je vous propose aussi d'écouter l'avocat de Bernard Westphal. Celui qui a réussi à convaincre les jurés de la cour d'assises, ce soir il ne cède pas au triomphalisme. Je pense que le dommage, il est de tous les côtés. Ça veut dire que vous avez une famille de la victime qui est certainement dévastée, je peux parfaitement le comprendre. Vous avez un accusé qui est lui aussi dévasté par 3 ans de procédure, des dizaines de mois de détention préventive dans des conditions atroces et d'avoir été laminé et traité d'assassin par tous. Vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, il va falloir se reconstruire et c'est plutôt à ça qu'on doit penser dans un jour comme aujourd'hui. Des interviews signées Fabrice Gérard et Jérémy Gilter. Je vais essayer de me reconstruire, mais ça ne va pas être facile. Je vais essayer pour mes enfants, réagit également Bernard Westphal. Sa fille, Safia, a épaulé durant ces 3 semaines de procès. Écoutez. Oui, je suis soulagée. Je suis soulagée. C'est très difficile. Ça a été très, très difficile, mais je suis soulagée que ça se termine. Bien que le drame reste le drame et que nous pensons aux parties civiles et particulièrement à Victor. Mais je veux vraiment pas être plus longue. Je veux juste appuyer sur le fait que mon père est innocent et que la justice a été faite. C'est tout ce que je veux dire. Vous avez pu vous entretenir avec votre père ? Je l'ai pris dans mes bras et... Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Que je l'aimais, évidemment. Safia, la fille de Bernard Westphal. Pour conclure en télé sur la Une, vous pourrez découvrir ce soir une interview exclusive de l'ex-député Wallon dans l'émission Devoir d'enquête. Une interview réalisée cet été et à voir à 20h20. Peter de Crème fait ses valises et rentre en Belgique. Le secrétaire d'État au commerce extérieur pensait pourtant s'absenter jusqu'à la fin du mois. Il suit une formation en économie à Harvard aux États-Unis. Coûteuse formation, 80 000 euros, il la paye lui-même. Mais ça ne va pas, s'indigne le Premier ministre. Alors cet après-midi à la Chambre, il a rappelé que tout membre de son gouvernement devait être disponible, point, et lui ordonne de revenir avant mardi pour pouvoir répondre aux questions des parlementaires. Mais ce n'est pas comme ça que son président de parti, Waterbeek, voit les choses. Pendant 2 ans, en séance plénière, il n'y avait pas de questions pour Peter de Crème. Il y avait beaucoup de questions des entrepreneurs pour investir aux autres pays. Et il a fait un bon travail pour ça. La balance de commerce a augmenté, est positif. Et ça, c'est le premier an depuis beaucoup d'années. Donc, il a fait un bon travail. Et maintenant, il est en train d'étudier les affaires extérieures. Et le TTIP, un traité très important pour les économies aussi en Belgique. Vous n'avez quand même pas l'impression que la réponse du Premier ministre, c'est une forme de désaveu à l'égard de Peter de Crème ? Non, pas du tout. Peter de Crème m'a dit « Je suis disponible la semaine prochaine s'il y a des questions, donc pas de problème. » Le président du CDNV au micro de Pierre Magos. Pas mal de perturbations demain, une grève était prévue dans tout le pays, les syndicats l'ont annulée, mais il y aura quand même des actions localement. Dans les bus en Wallonie, surtout, puis dans les écoles et les administrations, c'est là qu'il faut s'attendre au plus de perturbations. Les écoles précisent que l'accueil des enfants est malgré tout garanti. Les trains devraient rouler normalement. Idem pour les transports en commun bruxellois. Plusieurs manifestations au programme aussi à Wavre, dans le fief de Charles Michel, devant les bureaux d'ING à Bruxelles et devant l'usine Caterpillar à Gosselies. Et après les organisations syndicales ce matin, ce sont les fédérations patronales qui ont été reçues par le Premier ministre. La FEB s'est dite ouverte à la concertation sociale. Des patrons qui regrettent aussi les grèves annoncées demain dans plusieurs secteurs. Donc, 98 morts pendant que les côtes américaines sont évacuées à l'approche du dévastateur Matthew. Le bilan du passage de l'ouragan dans les Caraïbes s'alourdit. 98 victimes en Haïti. C'est le plus puissant ouragan touchant cette zone depuis des décennies. Enfin, Antonio Guterres devient secrétaire général de l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations Unies entérine ce choix. Antonio Guterres est un ancien Premier ministre portugais. Il a aussi dirigé le Haut Commissariat pour les réfugiés de 2005. À 2015. En déplacement à Rome, Ban Ki-moon qualifie son successeur de super choix. Oh bah s'il est content, on est content aussi alors. Bah tout le monde est content. Bah parfait, merci Delphine, bonne soirée dans un instant. C'est le journal des sports, tout de suite on va faire un point sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. Quelle est la situation ce soir, Laurent Deboeuf? Bonsoir. Laurent, est-ce que vous êtes là? Laurent est-il caché quelque part dans les couloirs du centre Pérex pour nous informer ou pas? Je vais crier fort, Laurent! Laurent, est-ce que tu nous entends? Pas de réponse. On revient dans un instant avec le journal des sports. Même ça, il n'y a pas le journal des sports. Ah si, il arrive. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vivacité, le journal des sports. François, vous êtes là? Je suis là, ah, fidèle parfait. Au poste. On a une surprise pour vous après le journal des sports. Ah. Vous avez demandé une musique, vous l'aurez peut-être. Encore une fois. Les Diables Rouges qui fouleront ce soir la pelouse du Stade Roi Baudouin. On démarre avec ça, ce journal des sports. Ouais, rassurez-vous, tout d'abord, le match face à la Bosnie, c'est bien demain, mais les deux équipes s'entraîneront en effet ce soir au Ezel, histoire de prendre leur marque. Et à l'issue de cet entraînement, Roberto Martinez devrait en toute logique annoncer le forfait pour la rencontre de Raja Nengolan, le médian défensif qui était hier encore à la Roma, où il s'apprêterait à prolonger son contrat jusqu'en 2020. Prolongation et augmentation aussi, puisqu'on parle là d'un salaire de 5 millions d'euros par an, ce qui en ferait le troisième joueur le mieux payé d'Italie. En attendant la confirmation et le retour du ninja chez les Diables, on parle aussi beaucoup de la défense à 3 et du remplaçant de Kevin De Bruyne. Mais il ne faut pas oublier dans tout cela les attaquants. Romelu Lukaku semble indiscutable dans les plans de Martinez, mais vu la forme de Christian Benteke, on peut imaginer aussi voir les deux joueurs alignés côte à côte demain. Pascal Chimé en a parlé avec l'attaquant de Crystal Palace. C'est vrai que bah, je suis bien et j'essaie de profiter de cette bonne passe. Après avoir mangé mon pain noir, ben voilà, j'essaie de manger mon pain blanc. Justement, est-ce qu'il y a une explication à ça? Comment vous l'expliquez? Non, c'est un tout, c'est un changement, c'est un nouveau départ. Ouais. Je suis arrivé dans un club où voilà, l'entraîneur il me fait confiance. J'essaie de rendre ben, le prix qu'ils ont payé à travers mes prestations. À Belgique-Bosnie demain soir et Gibraltar-Belgique lundi, ce sont donc deux matchs qui compteront pour les qualifications du Mondial 2018. Un Mondial qui se déroulera d'ailleurs en Russie avec 32 équipes et à l'avenir, il y en aura peut-être 48. C'est en tout cas la volonté de Gianni Infantino, le président de la FIFA, a réaffirmé ce matin qu'il était favorable à une co-organisation dans plusieurs pays de la Coupe du Monde et à la participation de 48 équipes. Avant son élection, Gianni Infantino avait prôné la Coupe du Monde pour 40 nations. Il propose donc une nouvelle formule dans laquelle 16 pays seraient directement qualifiés, 32 autres seraient en revanche qualifiés eux pour des barrages, sorte de mise en bouche avant la phase des groupes qui se déroulerait elle dans sa formule actuelle. Autre bouleversement attendu dans les grandes compétitions internationales, l'arrivée de l'arbitrage vidéo, une révolution qui va aussi passer par le championnat de Belgique. Et oui, l'Union Belge et la Pro League sont parvenus à un accord hier pour instaurer l'arbitrage vidéo chez nous. Les premiers tests devraient être réalisés dès cette saison en play-off 2. Les clubs ont déjà validé le budget nécessaire et sont donc favorables à l'arrivée de la vidéo. Mais que pensent les joueurs de cette petite révolution? Écoutez l'avis de l'attaquant de Penn, Florian Tholemès. On voit que déjà dans plusieurs sports comme le rugby ou le tennis, ben, c'est déjà en place et ça marche vraiment bien. Je pense qu'au niveau du football, pour des buts quand on penserait qu'il y ait pas ou qu'il soit rentré, ben, ça va être plus facile pour l'arbitre de prendre la bonne décision. Et ensuite, sur quelques phases de jeu, comme sur des tacles dangereux ou quoi que ce soit, pour un carton rouge qui soit mérité ou pas, ben, ça l'aidera. Et maintenant, il y a certains joueurs qui profitaient parfois justement de certaines lacunes, des joueurs un peu roublards. Là, ce sera différent. Non, ça sera le football deviendra un peu plus honnête, un peu plus correct, on va dire. La main de Maradona, à cette époque-là, s'il y avait la vidéo, ben, l'Argentine peut-être n'aurait pas gagné la Coupe du Monde. Donc forcément, voilà, ça peut être bien et mauvais dans certains cas. Interview signée Pierre Capard. La chaleur du Qatar va-t-elle changer la face des championnats du monde de cyclisme? On peut se poser la question, les coureurs en tout cas étaient inquiets, l'organisateur lui rassure. Ah, c'est vrai qu'il fera chaud dans 10 jours à Doha, mais pas question de ramener la course à une distance de 150 km. Ces derniers jours, nombre de coureurs se sont émus de la possible diminution du kilométrage de la course en ligne de ces mondiaux. C'est vrai que cette possibilité existe dans le protocole de l'UCI, mais le directeur sportif de l'organisation, John Lelang, se veut rassurant sur ce sujet. Dans le protocole de chaleur qui a été mis en place par l'UCI, c'est tout à fait normal que l'UCI, en tant que fédération internationale, prenne les devants. Mais ici, on est début octobre, on est dans des conditions qui sont plutôt agréables, on est dans des conditions comme on les aurait pendant l'été en Espagne, en Italie. Une trentaine de degrés. Dans des conditions de chaleur, voilà. On est aux alentours de 35 degrés, en pic, vraiment. Il y a du vent. Une fois qu'on est sur le vélo, on bénéficie quand même de pas mal d'air. Hors de question au Qatar, par exemple, d'organiser ce championnat du monde au mois de juillet, au mois d'août et même début septembre. Je pense qu'on n'aura pas à appliquer ce protocole. Et en plus, si on a appliqué, je pense qu'il y a eu un peu d'incompréhension par rapport au communiqué. Ça sera un comité d'experts plutôt médical qui va décider de ça. Mais il n'a jamais été question de réduire totalement à 150 km, mais peut-être de réduire de 20, de 30 km. John Lelang, contacté au Qatar par Samuel Grulois, et la distance normalement prévue pour cette course en ligne, c'est 257 km. Enfin, l'ancien basketteur belge Thomas Vandenspiegel devient président de l'ULEB. Il s'agit de l'Union des Ligues Européennes de Basket. À 38 ans, Thomas Vandenspiegel, c'est l'une des plus belles cartes de visite du basket belge. L'ancien pivot ostendais était notamment passé par le Vitrus Rome, le Real Madrid et le CSKA Moscou, bien sûr, avec lequel il avait remporté deux fois l'Euroleague. Merci François pour ce journal des sports. Il est 18h14, tout à l'heure dans l'émission, vous avez demandé un petit cadeau. On parlait du Palladium qui va être détruit, la boîte est fermée depuis 20 ans, mais le bâtiment va être détruit dans les deux prochaines semaines, et on parlait de souvenirs de soirée. Ouais, là, je vous disais qu'il y avait une petite musique qui me trottait en tête, effectivement, quand je me remémorais le souvenir du Palladium, c'était DJ Zach, vous avez retrouvé ça dans vos archives. Bah, vous savez que je suis un peu le maçon du cœur de la radio, c'est-à-dire que vous demandez un truc, moi je le réalise. Voici votre chanson. Ah, merci. Est de retour. Ah, c'est bon ça. Ça vous rappelle des trucs? Ah ouais, plein. Pas vous? Vous avez fait quoi là-dessus? Ah, j'ai dansé de façon assez désarticulée au sommet. C'était le début de la house, hein, donc on se faisait plaisir. Bah, je pouvais pas sortir en boîte, moi, à l'époque. Mais je me souviens de la chanson, par contre. Ah ouais, trop petit. Bah, elle est restée longtemps aussi dans les hit parades, hein, celle-là, parce que c'était quand même une chanson assez emblématique. On se demande pourquoi, hein, parce que quand même, il n'y a pas. Ah non, mais c'est un peu ça, la house. Hein, c'est pas Michael Jackson, vous voyez? Non, mais ça m'est passé aussi comme style musical. Oui, vous n'écoutez plus ça. Plus vraiment. Voilà. Bah, en tout cas, voilà, c'était pour vous, c'était cadeau. Eh ben, merci beaucoup. De rien, François. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est 18h15. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. Et dans ce 5 à 7, on partage donc vos souvenirs de soirée. Vous les envoyez par SMS au 3063 pour 50 centimes le message. Et sur la page Facebook 5 à 7, Vivacité RTBF, il y a Raymond de Houtain-Leval qui est là au téléphone. Bonsoir Raymond. Bonsoir à tout le monde. On va parler de vos souvenirs dans un instant, Raymond. Juste avant, je vais quand même vous dire ce qu'on va faire jusqu'à 19h. Ça vous intéresse? Ben, bien sûr. On va parler de Junior. Junior, il a 9 semaines, c'est un petit bébé. Et alors, il fait le buzz sur Internet, mais c'est sa maman qui l'a filmé. Vous savez pourquoi il fait le buzz? Parce qu'il a trop de cheveux sur la tête. Eh ben, exactement. Il a des cheveux à 9 semaines, comme si c'était un adulte. On va s'intéresser à ce phénomène dans quelques minutes. On retrouvera Candiscotter aussi dans quelques minutes. Et puis, on aura une star tout à l'heure. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps Touche pas à mon poste, si vous aimez l'humour. Vous avez déjà entendu le nom de Jean-Luc Lemoine? Jamais, non. Jamais? Ah ben pourtant, c'est un gars qui est très très drôle, qui est super sympa. Il sera l'invité tout à l'heure de 69 minutes sans chichi sur la 2, émission en direct dès 20h15. Et puis il sera l'invité du 5 à 7 aussi tout à l'heure. Donc si vous ne le connaissez pas, ce sera l'occasion de le découvrir. Raymond, avant ça avec vous, on parle de souvenirs de sortie. Vous aviez connu le Palladium avant même que ça s'appelle le Palladium. Ah, Bon, oui, écoutez, c'est un gros truc. Palladium, en tant que Palladium, j'y suis allé qu'une seule fois. Ouais. Bon, j'habite juste à côté, hein, à quelques kilomètres de là. D'accord. Je passe tous les jours devant. Mais avant de s'appeler Palladium, ça s'appelait le Relais de l'Empereur. C'était, je crois, un restaurant, etc., etc. Mais c'est surtout un lieu historique par rapport aux batailles napoléoniennes. Ah bah ça c'est sûr, parce que le bâtiment existait déjà en fait au moment de la bataille de Waterloo. Les grandes batailles de Ligny, Béziti, etc., etc. Donc c'est un monument qui est, je pensais que c'était un monument classé historique. Ouais, mais en fait j'ai, pas. J'ai appris aujourd'hui, avant votre émission, j'ai appris aujourd'hui qu'ils avaient tout cassé pour en faire des lotissements. C'est ça, le bâtiment va être complètement détruit, il restera plus rien malheureusement. Je trouve ça très triste parce qu'ils auraient pu garder les murs extérieurs et donner une architecture un peu sympa. Et voilà, c'est encore un monument du patrimoine historique. Ah bah ça c'est sûr. Tout va disparaître, tout ce qui va rester, ils vont mettre une petite plaque pour avoir une petite pensée pour qu'on n'oublie pas qu'il y a une bataille à cet endroit-là. Mais effectivement, les murs sont... Il y a plein de monuments aux alentours et ils vont faire un gros rond-point à la place du carrefour. Enfin, c'est une aberration totale. Eh ben, comme et ça, votre message est passé. En tout cas, Raymond, c'est des souvenirs et un énorme morceau de l'histoire qui s'en va avec la destruction de cette ferme. Oui. Ah ben oui. Ben, je vous sens triste, Raymond. Pardon ? Je vous sens triste, Raymond. Oui. Sentimentalement, oui. J'ai pas envie de vous quitter triste. Comme ça. Il y a une musique qui vous fait plaisir en ce moment ? Il y a un truc qui pourrait vous mettre de bonne humeur ? Là, tu me prends pris pour point. Si, il y en a une que j'adore. Renault, oui. C'est celle où il a fait son retour. Non. J'adore tout Renault. Je l'ai sur boule d'alarme. Eh ben, attendez, on vous met n'importe quel Renault. Mistral gagnant. Décidément, vous êtes dans la joie. Cette chanson, c'est pas la plus joyeuse, mais c'est cadeau, c'est pour vous. Voilà. Elle est tellement belle cette chanson. Regardez les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Ça va mieux, Raymond ? Puis donner à bouffer. Ah bah oui. Les pigeons oui. Idiots, ouais, les coups de pied. Ah bah si vous repartez avec le sourire, ça me fait plaisir. Raymond, je vous souhaite une excellente soirée. Un coup de vivacité, on a que le sourire. Ah ça c'est sympa, on part sur une bonne touche. À bientôt, Raymond, bonne soirée. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Forêt, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 10 à 14 heures, avenue du Globe 7 à Forêt. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after-party par les soirées Love. Prévente, ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED. LED. Electro. Hi-Fi. PC. GSM. Tablette. Boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. Je viens d'acheter un laptop chez Vandenborg. Et vous savez quoi ? Je suis sûr à 100% d'avoir payé le prix le plus bas. Car j'ai suivi les promotions des autres magasins et j'ai vu que Vandenborg adaptait toujours ses prix. Et si le prix diminue après mon achat, on me rembourse la différence pendant 30 jours. C'est fort ça ! Alors, si vous me demandez si je suis content de Vandenborg, je peux simplement vous dire oui, très content. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Hein? Quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCar de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur skoda.be. Écoutez ça, pour le 25e anniversaire d'Intermarché, il y a des produits 100% remboursés, des offres jusqu'à moins 50% et une super action épargne avec 25 produits gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 25 produits gratuits, c'est exceptionnel. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Le grand carnage social s'amorce dans le secteur bancaire. Une vengeance des banques, après leur sauvetage par les États et les règles qui leur ont imposées, l'enquête dans le Vifle Express. Le Vifle Express, pour ne rien vous cacher. Avec le Vif Extra, Voices of America. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité. Oh yeah. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Faut que je vous parle du cas de Junior. Junior, il a, et voilà, c'est la star d'une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Et il a 9 semaines, Junior. Et Junior, sur sa tête, il a une touffe de cheveux, mais comme un adulte. C'est assez dingue comme vidéo. On va vous la mettre sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. On va en parler avec le docteur Dominique Tenstedt. Vous êtes dermatologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Alors, ce petit Junior qui a 9 semaines, c'est un cas rare où ça arrive d'avoir des enfants avec autant de cheveux? Parce que c'est vraiment, c'est dingue le nombre de cheveux qu'il a sur la tête. Non, c'est évidemment un cas tout à fait exceptionnel, certainement. Et j'ai eu l'occasion de voir un petit bout de la vidéo, effectivement aussi. Et c'est tout à fait exceptionnel comme importance de cheveux sur son cuir chevelu, indiscutablement. C'est anecdotique ou bien ça cache quelque chose? Non, c'est pas anecdotique. Ça peut cacher quelque chose, bien sûr. C'est pas du tout normal. Alors, ça peut cacher soit, il y a deux hypothèses, deux grandes hypothèses, même trois. Soit un énorme grain de beauté uniquement pileux sur le cuir chevelu. D'accord. C'est ce qu'on appelle un élus pileux. Si vous voulez, une touffe de cheveux, bon. Ça, c'est une possibilité. Mais ça peut cacher aussi une maladie interne, soit des surrénales, soit éventuellement des organes génitaux. Et ça existe, elles l'ont très très tôt dans la vie, hein, et sont des glandes surrénales par exemple qui produisent trop d'hormones qui, de manière indirecte, fabriquent des cheveux ou des poils suivants. Soit encore une maladie génétique rare, il y a plusieurs maladies génétiques qui donnent des hyperpilosités, hein, qu'on appelle aussi l'hypertrichose, hypertrichose, trix en grec, ça veut dire cheveux, donc ils donnent des cheveux extraordinaires. Donc c'était pas banal certainement, et ça mériterait une mise au point bien sûr. Et ça peut être corrigé ou il aura trop de cheveux toute sa vie ce petit? Tout dépend si on est anico. Si c'est une maladie génétique, il est évident que ça ne va pas être corrigé en tant que tel. Par contre, si c'est une anomalie au niveau d'une glande, soit surrénale, soit glande génitale, là, il est évident qu'il y a des traitements, bien sûr, que l'on peut faire pour ralentir ces productions anormales d'hormones. Bon, ben, on suivra l'évolution de la coiffure de ce petit Junior alors sur les réseaux sociaux. Merci, docteur. Bonne soirée. Merci, par exemple. 5 à 7. C'est le moment dans l'émission, on arrête tout. On va parler de ce qu'il y a à manger et donc c'est important. Bonsoir Candice Cotter. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Je vous propose ce soir... Ouh, ça c'est du gros dossier. Quand il y a tambour, c'est il y a gros dossier. C'est du gros dossier. De découvrir le tout premier Facebook culinaire. Qu'est-ce que c'est? Ah, je fais pipi de joie dans ma culotte. L'idée, c'est que c'est le premier réseau social culinaire. Ça s'appelle toocook.com. T-O-O-C-O-O-K. toocook.com. Vous avez en gros un réseau social, donc son créateur, c'est un Français, Ludovic Nicolo, qui a travaillé pendant 10 ans à New York pour Victoria's Secret, donc la marque de lingerie. Ouais. Rien à voir, mais ça lui a donné de bonnes bases de merchandising. Qu'il vient de faire dans la cuisine maintenant. Il a toujours été super fan de bouffe. Il s'est réinstallé en France et il a lancé une plateforme pour les geeks gourmands, surtout Cook. Vous ne trouvez pas simplement des recettes ou d'éventuels commentaires. C'est vraiment un réseau social comme Facebook, donc vous avez un profil, vous avez un mur, mais c'est développé sur le web 3.0, donc vous avez des possibilités plus importantes. Vous avez moins de pubs, vous avez des pubs quand elles sont la mieux ciblées pour vous, et vous avez différentes fonctionnalités. Exemple, vous êtes au fourneau, Toucook va vous faire une lecture vocale de la recette. Ça, c'est pratique. Sympa. Vous vous interrogez sur les proportions ou des ingrédients à remplacer. Il y a les membres de la communauté qui peuvent vous répondre instantanément, comme Facebook. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'hyper interactif. Si vous postez une recette, je trouve que c'est génial ça. Si vous postez une recette, Toucook va instantanément analyser votre recette et en sortir toutes les qualités nutritionnelles, tout ce qui est énergétique, donc les matières grasses, les calories, etc. Excellent, ça. Et aussitôt publier au moment où vous postez votre recette. C'est génial pour les amateurs de cuisine. C'est génial pour les blogueurs culinaires. Ça, vraiment, c'est la révolution. Et les Relief and the Food en tout genre. Donc vous pouvez faire partie, vous pouvez vraiment faire partie maintenant des tout tout premiers membres en vous inscrivant dès maintenant. Vous vous créez votre profil, vous vous créez votre mur, vous mettez vos photos. C'est de quoi faire basculer votre amour de la bouffe, votre amour de la gastronomie, votre amour du culinaire, votre amour du bien fait dans une version 3.0 avec vraiment un bon retour des internautes. Et ça marche que s'il y a du monde, donc il faut y aller. Exactement. Mais le gars était très intelligent parce qu'il a pré-ouvert son site. C'est-à-dire qu'il l'a ouvert maintenant, il l'ouvre maintenant ouais. au particulier, mais il l'a ouvert il y a un an aux apprentis de cuisine. En D'accord. fait, le temps que tout le monde vienne poster ses recettes. C'est ça, donc il y a déjà de la matière. Et qu'il y ait déjà du mouvement. Et donc nous, on arrive dans le truc qui devient ouvert à tous et qui d'un coup prend une, évidemment beaucoup plus d'intérêt. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant si tout le monde de tout horizon confondu arrive à mettre ses trucs à soi sur le site. Mais on part pas de rien. C'est pas un Facebook neutre où il y a rien du tout. Ouais, c'est pas mort si on s'inscrit aujourd'hui. Et voilà. Et on devient sur, on est sur un truc tout blanc et on est les premiers à essayer de piquer le truc pour que ça démarre. C'est pas le cas. Donc là, vous avez vraiment de quoi démarrer en trombe dès ce soir. Et je trouve qu'il y a plein de trucs à découvrir. Vous allez voir, c'est vraiment extra. www.toucook.com T-O-O-C-O-O-K toucook.com. Eh ben merci pour le bon plan et à demain Candice. Dans un instant, dans la suite du 5 à 7, Jean-Luc Lemoine sera l'invité de cette émission. Il sera ce soir sur le plateau de la 2, 69 minutes sans chichi. Petit passage par le 5 à 7 juste avant. Et puis on part aux États-Unis dans moins de 3 minutes. On rejoint Catherine Tonero qui est en pleine course à la Maison Blanche. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Découvrez Monde Positif, le mouvement citoyen ni de droite ni de gauche qui veut en faire plus pour le recyclage et la planète. Mondepositif.be. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domaine-de-chevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. Salut, c'est Roméo Kaku sur Vivacité, la radio diablement complice. La route pour la qualification mondiale 2018 continue. Les Diables Rouges face à la Bosnie-Herzégovine. Ce vendredi en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme les tartares de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Mais oui! Venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement. Soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Il est 18h30, voici les titres de l'actualité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Bernard Westphal a donc été acquitté du meurtre de son épouse, Véronique Piroton. C'est la décision du jury après une délibération qui a duré un peu moins de 5 heures. Un jury qui a reconnu l'existence d'éléments troublants, mais l'enquête n'a pas permis de prouver la culpabilité de l'accusé. Il existe donc un doute raisonnable qui doit lui profiter. Je suis soulagé, a très vite réagi Bernard Westphal, très ému. Je pense d'abord à Véronique qui n'est plus là. Je pense aussi à son fils Victor. J'espère, a-t-il dit, qu'un jour il sera convaincu de mon innocence. On ne commande pas une décision judiciaire, a déclaré de son côté l'avocat de la famille de Véronique Piroton. Peter de Crème prié de rentrer en Belgique. Le secrétaire d'État au commerce extérieur suit en ce moment un cursus de 6 semaines à Harvard aux États-Unis, mais le Premier ministre Charles Michel lui a demandé de rentrer afin tout simplement d'assurer ses responsabilités. Pas de grève générale demain, les syndicats y ont renoncé, mais on aura droit à des actions ciblées dans certains secteurs, ainsi le secteur bancaire avec une manifestation devant le siège d'ING. Il faut s'attendre aussi à des perturbations dans les transports en commun wallons et bruxellois. Par contre, les trains devraient rouler normalement. Et puis Antonio Guterres sera le prochain secrétaire général de l'ONU. Le Conseil de sécurité a entériné le choix de l'ancien Premier ministre portugais. Merci Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. La météo pour cette nuit, un petit peu frais avec quelques nuages, des minima de 7 à 9 degrés. Pour demain, les nuages seront plus nombreux et l'on n'exclut pas localement de la Campine ou Haute-Fagne quelques faibles bruines. Ailleurs, le temps sera sec, les températures entre 10 et 14 degrés pour les maxima. Au niveau du week-end, ce sera un peu plus variable avec l'une ou l'autre petite averse samedi, mais retour d'un temps sec dimanche et les températures qui se maintiendront entre 10 et 15 degrés samedi et 9 à 14 degrés dimanche. RTBF Mobile Info à 18h32. Laurent Debeuf, comment ça se passe sur les routes? Oui, bonsoir Cyril. Bah écoutez, ça se passe pas trop mal. On a tout de même les suites d'un accident impliquant plusieurs véhicules sur le 19 Bruxelles-Mons, juste à l'entrée du chantier de Feluy. Des difficultés et des files évidemment à cet endroit en direction de Mons, du côté de Bruxelles. Circulation moins dense à cette heure-ci, ça diminue, mais vous êtes toujours quand même ralenti en extérieur entre Woluwe et Wemmel vers Grand Bigard et en intérieur entre Grand Bigard et Zelik ainsi que de Strombeek à Tervuren vers Waterloo. Des files aussi dans le centre. Là, ça reste stationnaire, donc dans les deux sens de la petite ceinture. Une chaussée dégagée. Ceci étant dit, c'est sur le 25 Bastogne-Liège où un accident s'était produit à hauteur d'Oufalise. Donc, situation rétablie en direction de Liège. Et on va terminer avec plusieurs objets encombrants qui nous sont signalés sur le 313 en Verse-Liège, à hauteur de Lumen. Ce sont des meubles qui se situent sur deux bandes de circulation. Et donc cela rend, vous vous en doutez, le passage difficile aussi en direction de la Cité Ardente. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. I accept your nomination for the presidency of the United States. La course à la Maison Blanche. 24h sur 24 sur rtbf.be/Maison Blanche ou sur la page Facebook La Course à la Maison Blanche. Vous pouvez suivre les aventures de nos trois journalistes qui sont partis sur les routes américaines. On va retrouver Catherine Tonero. Catherine, bonsoir. Bonjour, quelle heure il est chez vous? Bonsoir Cyril. Oui, bonjour plutôt, parce que chez moi il n'est pas encore 10h du matin. Ah oui, il y a un gros décalage là où vous êtes puisqu'on vous a quitté à Portland. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis? Vous êtes où? Il y a toujours 9 heures de décalage pour la précision. Ben à Portland, je vous l'avais dit, c'est la capitale écologique des États-Unis. J'ai été visiter un éco-village, du coup, pas très loin du centre. Un grand complexe où vivent une cinquantaine de résidents dans des petits appartements durables, entourés d'un énorme jardin. C'était un petit peu un bout de campagne dans la ville. Alors là, tout le monde cultive ses légumes, on composte, on recycle tout et on récupère même l'eau de pluie via les toits. Ben, c'était de quoi me prouver que oui, les Américains ont aussi une conscience écologique. Ça correspondait en fait à un de mes défis et l'article vient d'être mis en ligne si ça vous intéresse. Ah bah bien sûr, on va aller voir ça. Si je suis bien informé, Catherine, vous avez dû apprendre à rouler en automatique aussi. Ouais, c'est ça, j'ai dû louer une voiture pour traverser l'Oregon parce qu'il n'y a pas beaucoup de connexions ici. Ouais. Eh ben, c'est une belle Chevrolet rouge, 4 portes. Je vais poster des photos, vous allez voir ça. Bon, j'étais un peu stressée, je vous l'avoue, à l'idée de prendre la route ici, mais c'est effectivement très facile en automatique. Et puis, c'est toujours tout droit parce qu'il n'y a pas 1000 routes dans le coin, il faut voir ça. Ah bah ça c'est facile parce que d'habitude vous vous perdez facilement, Catherine? Oui, bon, c'est-à-dire que je ne suis pas une pilote confirmée, donc voilà, de mon petit stress. Donc, mais tout va bien, maintenant je me suis habituée et elle roule très bien, elle est très belle et les paysages sont très beaux. Eh ben, on va aller voir les photos de la voiture et les vôtres aussi, donc sur rtbf.be/maisonblanche. Vous avez fait étape dans la petite ville de Bent hier? Oui, c'est ça. J'ai été accueillie dans une famille là-bas à Bent, qui avait été contactée par un de mes amis. Une maison en bois, en pleine forêt, c'était vraiment particulier. C'était aussi un peu une ambiance à la Friends, vous voyez. Ils ouais. avaient invité des amis à eux. J'étais un peu la curiosité de la soirée. Et c'est marrant comme ils s'étonnent toujours, ces Américains, de voir que cette élection nous intéresse autant. À Bend, j'aurais aussi fait une rencontre marquante, hein, je vous en parle. Du coup, j'ai vraiment dû m'arrêter quand j'ai vu un type dans un parc qui distribuait des bibles gratuites avec une pancarte intitulée « Do you know Jesus ?» Et je peux vous dire que c'était une grande discussion philosophique qu'on a eue. Et après tout ça, après cette grande discussion, il était déjà temps de reprendre la route alors ? Oui. Exactement, et je suis vraiment entrée dans un bout d'Amérique profonde, hein. Ici, comme on dit, vous savez, de middle of nowhere. Vous voyez ces routes avec des panneaux, attention, passage de cerfs ou de troupeaux. Ouais. C'est un peu ça, hein, en rase campagne, un peu désertique, même par ici. Je me dirige vers l'ouest, donc de l'Oregon, toujours avec quelques reliefs dans le paysage. C'est vraiment du pure on the road again. Là, je fais étape dans une petite ville qui s'appelle Burns, si vous checkez sur une carte. Je me dirige tout doucement vers l'Idaho et je peux vous dire que ça commence à sentir le ranch et le cowboy du nord. Puis là, je viens de dormir dans un motel en fait, et ça aussi, c'était une grande première. Ah bah ça doit être une aventure. Ça s'est bien passé. Oui, non, tout s'est bien passé. C'est vrai que c'est toujours un peu glauque comme ça, surtout que je suis arrivée, la nuit était déjà tombée. Mais la réceptionniste était très sympa et voilà, il n'y avait pas trop de bruit cette nuit. Donc pas de soucis, c'était une bonne expérience aussi. Faites attention, dans les films d'horreur, c'est toujours là qu'il se passe quelque chose. C'est dans les motels. Je sais. Merci Catherine. On vous suit donc sur la page Facebook, La Course à la Maison Blanche, et sur le site rtbf.be/maison-blanche. À très vite, demain, nouveau rendez-vous pour cette course à la Maison Blanche. Il est 18h 37. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Il sera ce soir aux côtés de Joël Scorils dans 69 minutes, sans chichi, en direct sur la 2 à partir de 20h15. Si le Thalys est à l'heure, parce qu'il est encore bloqué dans le Thalys pour le moment. Bonsoir Jean-Luc Lemoine. Bonsoir, comment ça va ? Ça va bien ? Bah oui, sauf que comme tu viens de l'expliquer, je suis un peu en retard. Bah ça arrive, mais c'est un retard, c'est vraiment le Thalys ou c'est un retard de star ? Ah non, pas du tout. En fait, il y a un train qui était arrêté devant le mien, qui roulait très bien, qui était en bonne marche. C'est ce qui fait que là, j'ai 40 minutes de retard. Bon, bah, bienvenue dans le Thalys. Jean-Luc Lemoine, merci. On va parler de votre spectacle. Vous serez bientôt en Belgique, enfin bientôt dans quelques mois. Ce sera en avril, 20 avril au Cirque Royal, 21 avril au Forum de Liège. Juste avant, un petit mot. Combien de fois par jour on vous parle de « Touche pas à mon poste » ? Et on va pas le faire vraiment ici dans l'émission ce soir, mais combien de fois par jour ça vous arrive ? Alors, énormément. C'est une émission tellement populaire que les gens ont l'impression que on fait partie de leur famille, donc on demande des nouvelles de la famille. On pose des questions sur un membre de l'un, de l'équipe, comment va Jean-Michel. La question que je réponds souvent quand je marche dans la rue, c'est « Où est Cyril ?» Comme si on se promenait ou j'avais en porte-clés. C'est dingue que les gens demandent de mes nouvelles. Je trouve ça assez fou. On parle de Cyril Hanouna, bien sûr, à suivre chez nous en Belgique sur Plug RTL. Vous serez donc en Belgique en avril pour votre spectacle, votre one-man show. Là, à l'inverse, les gens vous en parlent beaucoup ou pas trop, ça, du spectacle ? Si, c'est assez partagé, mais c'est vrai qu'on parle surtout de la télévision, parce que c'est ce qui est plus visible, évidemment. Mais non, j'ai la chance d'avoir quand même un public assez fidèle et malgré le fait de faire beaucoup de télévision, les gens savent quel est mon vrai métier. Et franchement, vous le faites bien. Voilà, je le dis parce que j'étais allé vous voir il y a un petit temps à Paris, au Grand Point Virgule. Et si vous voulez passer un vrai bon moment, allez voir Jean-Luc Lemoine, vous allez vous marrer. Et même si, même si on ne vous regarde pas tous les jours à la télé, on va vraiment passer un bon moment. Comment on peut vendre, comment on peut parler de votre spectacle, Jean-Luc ? C'est quoi ? Si vous aviez un spot de 30 secondes pour parler de votre spectacle, vous diriez quoi ? Alors, c'est les gens qui m'aiment bien n'en touchent pas à mon poste vont retrouver le mauvais esprit qui me caractérise, le sens éventuel de la vanne. Mais je pars sur des sujets beaucoup plus personnels. Alors, on est dans le train et donc il y a des coupures. Y a pas de souci, c'est pas de votre faute, c'est les opérateurs qui mettent pas les antennes partout. Est-ce qu'on arrive encore à vous parler ? On va juste vérifier ça. Faites un one to check, voilà, comme sur scène. Décidément, je pense que la communication a coupé. On va écouter Pop Story, on va retrouver Marc Toesca, l'histoire de Void, comme tous les soirs dans l'émission. Et juste après, on tente de rejoindre Jean-Luc Lemoine, qui est dans le train, on comprend. Bah forcément, c'est pas évident d'être au téléphone dans ces moments-là. Pop Story. Marc Toesca. Aujourd'hui, Pop Story célèbre les beaux militaires. Plutôt, les chansons dédiées à tout ce qui porte un uniforme. Good morning, Vietnam! Déjà au milieu de la décennie 80, la comédienne Véronique Jeannot déclarait sa flamme aux aviateurs et autres pilotes de chasse de la patrouille de France. Fantasme avoué pour les jeunes mâles en blouson de cuir, le sourire figé à Mach 2 et qui vous font, mesdames et mesdemoiselles, décoller et atteindre le 7e ciel en quelques secondes. Oh, fais-moi la mort, je t'en prie! Surprenant, le père Gainsbourg qui glisse dans son album You're Under Arrest en 1987, cette reprise complètement décomplexée de Mon Légionnaire, créée en 1936 par Marie Dubas et immortalisée par Édith Piaf. Sincèrement, il n'y a que Gainsbourg qui peut se permettre de chanter sans être ridicule. Il était jeune, il était beau, il sentait bon le sable chaud, ou il m'a aimé toute la nuit Mon Légionnaire. Sacré Sergio. Il était mince, il était beau. Sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Vous êtes astreint à ne passer que des formes de musique aux normes et non vos trucs de sauvage. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Chanter les militaires est encore une autre façon de dénoncer les absurdités de la guerre. En 85, Dire Straits signe Brother in Arms, un album qui se vend à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde et dans lequel figure précisément Brother in Arms. Chanson léchée aux guitares au perché dont le texte dédié aux frères d'armes rend un hommage des plus émouvants au sacrifice de millions de soldats tombés au cours de tous les conflits. Finalement, c'est l'armée de l'air qui cristallise les passions et les fantasmes des demoiselles. Savoir créer la jouissance, c'est tout un art. Ah, Tom Cruise dans Top Gun. Irrésistible en pilote téméraire, blouson bombers négligemment posé sur les épaules, grosses lunettes de soleil, mâchoire carrée et sourire carnassier. Combien de post-ados de 86 ont craqué sur l'allure méga virile du jeune héros Maverick Mitchell et plané sur le slow incendiaire du générique Take My Breath Away de Berlin. Bien sûr, la bande originale du film Top Gun en 1986, Berlin, Take My Breath Away. Pop Story, l'histoire des hits. Dans la suite du 5 à 7, on va retenter de se connecter avec le Thalys de Jean-Luc Lemoine. Il sera l'invité ce soir de 69 minutes sans chichi. Bah oui, quand on est dans le Thalys, parce qu'il est en retard, ça coince un petit peu, c'est compliqué d'être au téléphone. On tente de le rappeler dans un instant. Et puis les enfants de cœur aussi arrivent, les meilleurs moments de l'émission que vous écoutez tous les dimanches sur Vivacité. Tout ça, c'est avant 19h, à tout de suite. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Hello, Hip pour vous servir. Découvrez des promotions jamais vues grâce aux offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Avec en ce moment, le jambon cru italien Montorsi à seulement bam, 9 euros le kilo. Faites vite, cette promo de génie se termine aujourd'hui. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en véranda. Vivacité présente. Bonjour monsieur, vous pouvez me dire dans quel rayon je pourrais trouver du respect pour les producteurs du Sud? D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Indice sur vous en bas de l'écran et top. La victime et vous étiez proches. On a vu dans son historique d'appel que vous étiez en contact régulier avec elle. Vous êtes vu le soir de sa disparition. Où étiez-vous cette fameuse soirée entre 2h et 4h du matin? Ne confondez plus vos séries policières et vos jeux télévisés. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus claire. Ciné-Télé-Revue. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré, hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis lif. Croquante, juteuse, colorée, sucrée, acidulée, nature ou préparée, venez découvrir le meilleur des pommes lors de la fête de la pomme, le week-end des 8 et 9 octobre à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif, cultivons nos différences. Profitez de notre presse, amenez votre récolte de pommes et repartez avec votre jus. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Tout à l'heure, à 20h15, il sort en direct sur la 2 dans 69 minutes sans chichi avec Joël Scorils. Il est déjà ce soir dans le 5 à 7. Si la communication veut bien, parce qu'il est dans le Thalys, Jean-Luc Lemoyne est donc en direct dans l'émission. Rebonsoir Jean-Luc, vous êtes toujours dans le train, tout va bien? Tout à fait, Cyril, sur le point Thalys. Pour la circulation, ça circule. C'est gênant à quel point de faire la promo de son spectacle avec des gens autour dans le train. C'est là où on se dit que c'est finalement bien de s'isoler quand on passe un coup de fil. Ouais, c'est ça. Alors, c'est bien qu'il y ait des plateformes. On s'est quitté juste au moment où vous vendiez votre spectacle. Alors, c'est soit il y a deux possibilités, soit ça a vraiment coupé, soit c'est un très bon coup marketing pour qu'on ait la suite tout à l'heure dans 69 minutes sans chichi. C'est peut-être un coup de Joël Scorils. Je pense que je dirais d'autres choses. Ouais, dans 69 minutes sans chichi, ouais, c'est un petit peu de teasing. C'est ça. On peut quand même parler du spectacle alors? Bien sûr, évidemment. C'est un spectacle qui m'est très personnel. C'est le spectacle le plus ouvert que j'ai fait de mes 4 spectacles solo. Mm-hmm. Et je voulais un spectacle qui me permette d'improviser énormément avec le public et de parler de thèmes qui me sont chers, comme le communautarisme, donc des thèmes sérieux, ouais. Aussi des thèmes très très légers comme les selfies. Je suis aussi fasciné depuis des années par les pictogrammes, des choses comme ça, par les... par les panneaux routiers. Alors ça peut paraître idiot comme ça, mais c'est quelque chose qui me travaille énormément. Et c'est vrai que en général, les gens qui voient le spectacle voient plus jamais les pictogrammes de la même façon. Ah bah ça c'est sûr, je suis en train de rigoler au moment où vous en parlez, parce que juste dire, je parle de pictogrammes, c'est vrai que sur le papier c'est pas drôle, mais je revois les scènes du spectacle et je vous vois sur scène présenter des pictogrammes qu'on croise tous les jours, on se dit quand même, il y a des trucs assez hallucinants. Donc n'hésitez pas à aller réserver vos places rapidement, parce que ça va partir très très très vite pour le spectacle de Jean-Luc Lemoyne. Vous reviendrez donc en avril en Belgique au Cirque Royal, le 20 avril, et le 21 au Forum de Liège. Vous avez eu l'occasion de tourner un peu partout en France, mais en Belgique, vous étiez passé, je pense, du côté de Namur, il y a quelques temps. Oui, j'ai même fait mon DVD à Namur. Donc, c'est des Belges qu'on voit sur le DVD. C'est pour ça qu'ils sont beaux. Pourquoi ce choix? C'était moins cher de tourner en Belgique? Ou les gens sont plus beaux? Non, mais les gens sont plus beaux, largement. Ah. Et, ils rigolent plus. Et voilà, les Français sont globalement laids. et c'est pas possible pour la vidéo. Ben on comprend tout à fait. Merci Jean-Luc en tout cas d'être passé ce soir par le 5 à 7. Vous reviendrez en vrai en studio la prochaine fois quand vous revenez pour vos spectacles. Avec grand plaisir. Eh ben, ouais, super. Ouais. Et on n'aura pas de problème de liaison. Voilà, ce sera plus facile pour se parler effectivement. Et je le dis sincèrement, parce qu'il y a souvent des artistes qui passent dans l'émission, mais ce spectacle, plus que les autres encore, allez le voir, c'est vraiment super drôle. Et alors Jean-Luc, je vous le dis, ça fait le gars qui essaie de sortir avec vous, mais il n'y a rien de tout ça. Mais c'est quelqu'un, Jean-Luc, de super sympa. Voilà, c'est vrai. Non mais on s'est vu un petit peu en dehors. Vous êtes quelqu'un qui est hyper cool, hyper vrai à l'antenne, mais hyper sympa, hyper ouvert aussi à l'extérieur. Et ben ça, c'est l'occasion de le dire parce que c'est pas souvent le cas. Merci Jean-Luc. Et à tout à l'heure sur la 2. Bonne soirée et bon courage dans le Thalys. Bon sandwich en triangle. Hein. Merci. Bon appétit. Il est 18h51. Rendez-vous donc tout à l'heure 20h15 sur la 2 pour 69 minutes sans chichi avec Joël Scoril. C'est Jean-Luc Lemoine comme invité. Avant les enfants de cœur qui arrivent dans quelques secondes, Guillaume, oui. Il y a des news dont vous devez nous parler. Eh ben oui, des bonnes news. J'ai encore épluché un peu la presse et les infos insolites. Alors, est-ce que vous croyez, Cyril, aux sirènes? Les sirènes, c'est-à-dire ouais. La petite sirène. Oui, oui, comme la petite mais sirène. Je crois mais quoi, la sirène, est-ce que pour vous c'est un mythe ou que ça existe vraiment? Ça n'existe pas. Eh ben, sachez qu'on en a trouvé une sur la plage. C'est Paul Comment Jones, un Britannique, qui a partagé ça sur son compte Facebook. On va d'ailleurs mettre les photos sur la page Facebook de l'émission. Ça ressemble étrangement à une sirène. Donc la queue en écaille, ouais. Et puis un corps décomposé au-dessus. Donc tout le monde y a été de son commentaire. Ça a été partagé plein de fois. Il y en a qui ont dit « Oh mais voilà, je le savais, ça existe, etc. » Et finalement, en fouillant un peu, on s'est rendu compte que ce Paul Jones en question, il semble être féru de maquillage et modélisme de personnages d'horreur. Donc il a fabriqué clairement... C'est un faux truc. C'est un faux truc. Mais, donc ça n'existe pas. Donc du coup, voilà, on en vient à la première question, ça n'existe pas. Ou en tout cas, ça n'a pas encore été prouvé. Mais le gars s'est fait un trip tout seul. Vous avez quand même encore un doute sur le fait que ça existe. Non, de base, non, je pense pas que ça existe. Mais on n'en sait rien. Et en tout cas, là, tout le monde y a cru. Mais si, on sait que ça n'existe pas. C'est un mythe, de base. Merci Guillaume. Guillaume, vous pouvez lui faire croire n'importe quoi. Juste un mot sur votre coupe de cheveux, Guillaume. On parlait du petit bébé de 9 semaines qui a énormément de cheveux sur la tête, trop de cheveux. Moi, quand je suis né, j'avais pas ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu dans le 6-8, quand je fais le 6-8 en télé, on me dit sans chichi. On m'a toujours appelé sans chichi. Mon chichi. Mon chichi, oui. On parlait sans chichi, Jean-Luc Lemoine. Mon chichi. Voilà, ou ces petits personnages. Donc c'est vrai que j'ai énormément de cheveux. Donc je me retrouve un peu dans ce jeune junior. On fait une photo, je vous la mets sur la page Facebook 5 à 7 du Vacité RTBF. On va mettre côte à côte le petit bébé de 9 semaines qui a des cheveux d'adulte. Il faut trouver qui est qui. Et vous. Et vous avez la même tête, effectivement. Ah, c'est gentil. Je sais pas. J'ai une baby face, comme on dit. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Voici les enfants de cœur tout de suite dans le 5 à 7. Les enfants de cœur. Voilà, alors moi je voulais juste faire un petit coup de gueule, il y a quelque chose qui m'énerve, deux, trois trucs qui m'énervent, notamment un truc qui m'énerve, je sais pas si vous savez ce que c'est les assiettes ou ce qui fait mitsu, ce qu'il faut mettre dedans. Vous voyez ce que c'est ça? Une assiette ou ce qui fait mitsu, ce qu'il faut mettre dedans, c'est-à-dire sur l'assiette il est mis spaghetti. Ça ne vient pas à foutre des raviolis, hein. Non, on ne peut pas, c'est comme la tasse, il est mis café. Si tu mets du jus d'orange dedans, t'es obligé de mettre du sel ou bien du sucre et du lait, etc. Il faut faire très très attention à ça. C'est tout des trucs comme ça. C'est comme les pièces, vous voyez, des maisons, des gens un peu bien. Où ils mettent à un moment donné chambre. La suivante, il est mis cuisine, toilette. Ça, tu sais que tu ne peux pas pisser dans le micro-ondes. C'est incroyable. C'est tout des trucs comme ça. Ça m'énerve, moi. C'est comme les petits pots de lait. Vous voyez les petits pots de lait qu'on donne avec les cafés dans les cafés. Ces petits pots de lait là qu'il faut ouvrir comme ça. Celui qui les a fait, il rit toujours, hein. Ça fait 30 ans, moi, que j'essaye d'en ouvrir un sans m'en foutre partout, c'est impossible. Le nombre de chemises que j'ai niquées avec ces petits pots de lait-là, ben oui, tu ouvres et ça fait pfff, tout sur ta chemise. Et le nombre de rendez-vous aussi que tu rates. Ben oui, j'étais un jour, j'avais donné rendez-vous à une fille sur Internet, tu vois. Donc, tu es en face de la fille, tu la reconnais parce qu'elle sait plus ou moins décrit. Elle te reconnaît parce que, forcément... Et là, t'es en train de l'écouter, tu vois, t'as pris un café, tu vois, ce qui vaut mieux un premier rendez-vous qu'elle se dit, tu vois, ne sache pas que si t'as pas tes cibières, tu dis agressif, donc... T'es là, t'es avec ton petit café, tu ne l'écoutes pas, t'en fous, tu regardes cette tête, t'en as rien à foutre. Et à un moment donné, tu te dis, allez, je vais quand même tourner mon petit pot de lait vers moi, tu vois, pour un premier rendez-vous, autant que la première giclée, ça soit du lait, enfin bref... Ben oui. Et donc, tu ouvres ton petit pot de lait, et là, pff, tout sur ta chemise. Alors là, Elle a deux possibilités, la fille. Soit elle rit. Et là, forcément, vous la giflez. Hein? Bah, oui, et tu sais ce que ça coûte une chemise ainsi. Espèce d'imbécile, fous le camp. Ça, c'est une... Et la deuxième solution, c'est qu'elle ne rit pas, mais dans son regard, vous décelez une espèce d'immense interrogation, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce handicapé qui ne sait même pas ouvrir un pot de lait? Quand il va jouer avec les deux miens tantôt, ça va être gay aussi. Et là, forcément, vous la giflez aussi, parce qu'on ne pense pas des choses. Mais ça, j'ai compris, moi, à cause de qui c'est, tous ces trucs-là. C'est à cause de Magritte. Vous vous souvenez le tableau de Magritte? Il y a une énorme pipe, et en dessous, il est mis « Ceci n'est pas une pipe ». Et on s'est étonné qu'on fout de toilettes sur les toilettes. Allez, c'est lui qui a commencé, à l'imbécile. Oui, une dernière anecdote en propos de ça. Ma femme, l'autre jour, c'était mon anniversaire, et elle n'a pas énormément d'argent, elle n'a pas non plus énormément d'idées. Elle me dit « Chou, qu'est-ce que t'aimerais bien pour ton anniversaire ?» Et je lui montre le dessin de Magritte. Et donc, une demi-heure après, je suis dans mon divan avec mon pantalon sur mes genoux et mon slip. Et elle est en train de me faire mon cadeau. Et je lui ai juste dit « Chou, tu connais Magritte ?»« Pourquoi est-ce que je me demande ça ?» Et là, j'ai fait rien, Chou, continue. Renaud Rutten dans Les Enfants de cœur. Et Les Enfants de cœur, vous les retrouvez en podcast sur vivacité.be. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Dans un instant, c'est le Tip Top. La quotidienne avec Philippe Jeuniot. Bonsoir Philippe. Et ça pêche. Salut Cyril. Je peux vous poser une petite question? Bah, allez-y. Écoutez, ceci, vous connaissez? Ah oui. Adaway. What is love? Années 90, ça, non? Bien sûr. Ouais, vous savez que ce titre vient d'être repris? C'est pas vrai. C'est repris par Lost Frequencies. On aura la nouvelle version juste après les infos. Ah, dans un Tip Top. C'est chouette, hein? Ah bah oui, ça c'est sympa. À demain, Cyril. À demain, bonne soirée. On arrive aussi avec Navi. J'écoute du Miles Davis, 6ème dans le classement du Tip Top. C'est juste après 19h. Alors j'écoute du Miles Davis. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Hotsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Oktoberfest Genial les New Cars, je vous propose 99 sublimes top modèles. 99 fantastiques Mercedes d'occasion récente en solde, prête à défiler pour vous, avec les horaires et sans trébucher. Ya, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Oktoberfest, c'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore Near les New Cars de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Near les New Cars. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Allô? Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison? C'est ma mère. Oui, j'étudie à fond, là. Ah bon? C'est curieux. Je viens de voir que t'as été tagué par un de tes potes en train d'étudier à fond dans notre jacuzzi. Tu comprendras que j'ai pas liké, hein? Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais... Voulez-vous acheter mes post-it Cap 48? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10€ au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Franck Ruel, bonsoir. Il était un peu plus de 16h30. Philippe Morandini, le président de la cour d'assises du Hainaut, donne le verdict du procès Westphal. À la question principale de culpabilité? Non. Vu les articles, taisez-vous s'il vous plaît. Après une délibération qui a duré un peu moins de 5 heures, le verdict tombe. Bernard Westphal a donc été acquitté du meurtre de son épouse, Véronique Piroton. Un jury qui a reconnu l'existence d'éléments troublants, mais l'enquête n'a pas permis de prouver la culpabilité de l'accusé. Le doute lui a donc profité, Fabrice Gérard. Oui, c'est un élément fondamental en droit. Le doute raisonnable doit toujours profiter à l'accusé. Voilà ce qui explique l'acquittement de Bernard Westphal. Alors ici, le doute, eh bien, on le trouve dans l'impossibilité de déterminer avec certitude la cause de la mort de Véronique Piroton.